Tu aimes attendre, toi? Pas particulièrement. Moi, j'ai ça en horreur. Tu veux dire que tu ne t'y habitues pas? Pas du tout. Que veux-tu, hein? Je n'ai pas de patience. Tu m'étonnes. Remarque que si j'attendais d'être exécuté, j'en aurais peut-être. Mais c'est pas le cas. Non. Enfin, pas tout à fait. N'oublie pas qu'attendre, c'est presque toujours espérer. Mais je n'aime pas qu'on me fasse espérer aussi longtemps. Non, écoute, ils se foutent de nous. Mais non. Tu ne trouves pas qu'ils se foutent de nous? Non. Nous attendons depuis 41 minutes. Je sais bien. N'importe qui serait déjà parti en claquant la porte. Pas nous. Non, fais attendre les gens 5 minutes, un quart d'heure au maximum. Non, lui, il lui faut 41 minutes. Attendre ici ou ailleurs? Ça n'est pas fini, comme tu vas le constater. Verrons bien. Dans combien de temps, à ton avis, se foutra-t-il de nous? Je comprends mal ta question. Quand admettras-tu qu'il s'est vraiment foutu de nous? Je ne sais pas exactement, un petit quart d'heure. Hein? Il te faut encore un quart d'heure? Je crois, oui. Bon, sois tranquille. Tu l'auras. D'ailleurs, qu'est-ce que ça changera? Que, de savoir qu'il s'est foutu de nous? Oui. Rien. Nous l'attendrons quand même, n'est-ce pas? Naturellement. C'est QFD. Ce qui mérite le plus, c'est sa recommandation d'arriver à 9h très précise. Il t'a recommandé d'arriver à 9h très précise? Mais il a même insisté, sois ponctuel, tu sais que mon temps est précieux, tandis que toi, t'as jamais rien à foutre. Qu'est-ce que ça te fait rire? Oui, franchement, ça me fait rire. Non, et tant pis, j'en ai assez. Hein. Je sonne. Advienne que pourra. Monsieur a sonné. Bon, il a bien fallu. Voilà 45 minutes que nous attendons. Eh oui. Eh oui, je sais. Vous m'avez annoncé, monsieur Carradine? Il y a 45 minutes. Et alors? Approximativement. Je vous demande, et alors? Ah, moi, je vous ai annoncé, n'est-ce pas? Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre. Vous pouvez demander à monsieur Carradine s'il en a encore pour longtemps, par exemple. J'y vais. Merci. À votre service. Oh, non. Non seulement il se fout de nous, mais il exige que son maître d'hôtel s'en foute aussi. C'est mon impression. Allons-en. Penses-tu? Il serait trop content. Comment? Bah alors, il sait bien que je vais lui demander un service. Mais tu n'avais pas dit ça? Tu crois que je suis venu voir pour mon plaisir? Quel service vas-tu lui demander? Je veux que... qu'il m'avance 50 ou 60 000 francs sur mon invention. Tu es fou? Pas du tout. Ou alors tu le crois fou? Encore moins. Mais enfin, tu dis toi-même qu'elle est idiote, ton invention. Idiote, comme tu y vas. Elle n'est pas plus idiote que les autres, étant donné ce qu'on invente aujourd'hui. Enfin, tu aurais 50 000 francs. Tu les risquerais là-dessus? Non, la question ne se pose pas, je ne les ai pas. Réponds honnêtement. Non, si je n'avais que 50 000 francs, sûrement pas. Mais lui, il y a des millions. C'est vrai. Des millions qu'il m'a volés. Oh, volés. Je volais. S'il les avait pas, c'est moi qui les aurais. Peut-être. Tu veux me vexer ou quoi? Les femmes changent souvent d'idée, c'est pourquoi je dis peut-être. Véronique, a-t-elle fait, oui ou non, une fièvre cérébrale? Elle l'a fait. Bon, et à cause de moi? Probablement. Oh, il n'y a pas de probablement, c'est officiel. Monsieur. Hein? Monsieur Carradine est désolé. Il vous avait oublié. Oublié? Complètement. Il s'excuse, il est dans son bain. Nous l'attendrons. Comme vous voudrez. Allons-nous-en. Je t'en prie, allons-nous-en. Pas si bête. Donnant. Mon humiliation contre son argent. Viens. Il a eu l'humiliation, j'aurai l'argent, même si je dois attendre toute la journée. Pourquoi attends-tu de l'argent de cet homme? Parce que je le déteste. Bon, le raisonnement? Bah, c'est le mien. Tu le dis beaucoup, mais je ne le crois pas. Oui, oh, bon, toi, naturellement, mais je t'assure que je le déteste. Et tu n'as pas honte? Tu sais très bien que tu ne lui rendras jamais cet argent. Préférer que je le fasse perdre à un ami? Tu plaisantes. Tu oses plaisanter. J'essaie de sauver la face. Carradine ne sait pas que tu le détestes. Non, je crois pas, mais enfin, en tout cas, il sait que je n'oserai jamais le lui dire. Pourquoi? J'y perdrais trop. Je te croyais de l'orgueil. J'ai tout de même assez d'orgueil pour en souffrir. Le plus grand prix qu'on puisse payer, pour quoi que ce soit, c'est de le demander. Veux-tu m'expliquer pourquoi Carradine te donne de l'argent? Par pitié. Et tu le prendras? Bien sûr. Tout en continuant à détester cet homme. Oui, les malheureux sont ingrats. Si j'acceptais ma malchance, je la justifierais. Ah. Puis d'ailleurs, J'ai l'impression qu'il préfère ça. Tu ne le détestes pas vraiment? Non. Tu te contentes d'en parler? Mais j'attends mon heure. D'ailleurs, les raisons que tu donnes... Qu'est-ce quoi? Elles sont pas bonnes, mes raisons? Enfantine! Mais c'est très possible, je le détestais enfant. Cette histoire de prénom, par exemple, ça n'est pas sérieux. Comment? Il s'appelle Noël! Comment? Noël! Et moi, avec exactement les mêmes lettres, il a fallu que je m'appelle Léon. C'est gentil, Léon! Ben, j'aime mieux Noël, et toi aussi? Pas moi. Et comme si cette supériorité lui suffisait pas, c'est lui qui m'a affublé de ce sobriquet. Genre, quel sobriquet? Ah, ça, je dois reconnaître. Je l'entends, hein? Oh, enfin. Qu'est-ce, hein? Non, je l'entends déjà me demander, quand il m'aura suffisamment fait attendre, oh, cette bonne vieille patate a encore besoin d'argent? Et tu diras oui. Non, franchement, est-ce que j'ai l'air d'une patate? Non. J'ai absolument rien de la pomme de terre, voyons. Rien. Même pas le nez. Sur mon passeport, ils ont marqué « nez ordinaire ». Ils cherchent pas à être aimables à la préfecture. Au contraire. Ne me dis pas que c'est à cause de mon embonpoint naissant. Je m'en garderai bien. Bon. Parce que j'avais 12 ans quand il m'a appelé patate, et jusqu'à l'âge de 12 ans, les copains me surnommaient fil de fer. Tiens, tiens. Alors? Je ne sais pas. Ouais. Enfin, heureusement, hein. On ne se méfie pas d'une patate. Une patate, c'est pas un champignon. En principe, c'est pas vénéneux. Oh. Tu viens d'être laid tout à coup. Tu es d'une franchise assommante. Mais tu préférerais que je ne dise pas ce que je pense? Non, je préférerais que tu ne penses pas ce que tu dis. Par moments, j'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Oui, c'est parce que tu me connais trop. En te regardant, je viens de comprendre quelque chose. Oh. En me regardant? Si tu pouvais faire du mal à Carradine, tu n'hésiterais pas un seul instant. Quel mal puis-je faire à Carradine? Si tu pouvais le ruiner, le voir à tes pieds. Me suppliant de lui prêter de l'argent? Si tu veux. Oui, ça me distrairait, oui, mais c'est pas ce que j'appelle du mal. Hein. Je rêve d'autre chose. Tu es un monstre. Et non, je blague. Je n'aime pas beaucoup Monsieur Carradine, venir depuis une heure qu'il me laisse attendre. Je l'aime de moins en moins, mais je veux dire, je le hais beaucoup moins que je ne devrais. Oh, c'est lui. Dis non, si tu vois que je m'énerve, hein, si tu sens que je m'énerve, fais-moi signe, mais très ostensiblement, hein. Pas des coups de pied, des coups de coude. Je veux qu'il le voie, qu'il sache que tu me calmes. Bon, des coups de coude. Oui. Ah. Oh, quelle chance de vous trouver encore ici. Depuis tant que je vous croyais parti. Oh, j'avais peur que vous soyez parti. Ben, nous sommes plus patients que tu ne croyais. Oh, je suis sûre que Jeanne n'aura pas dit que vous étiez là, cher ami. Et Noël aura cru que Léon était seul et avec lui, il ne se gêne pas. Ah oui, c'est une preuve d'amitié qu'il me donne, mais j'avoue que ça m'ennuyait pour Edith. Pardon. Bonjour, toi. Bonjour. Vous m'excusez, nous nous connaissons à peine toutes les deux. Tandis qu'à cause de lui, j'ai tout de même fait une fièvre cérébrale. Tu étais charmante à ce moment-là. Madame. Jeanne, vous n'avez pas dit à monsieur que Madame Rollo attendait aussi? Ah non, madame. Et pourquoi? Monsieur Rollo m'a dit annoncez-moi. Alors j'ai pensé que monsieur ne connaissait pas madame. Ah, et que fait monsieur? Toujours dans son bain? Il est en conférence. Allons donc, avec qui? Je suis très gêné, je ne sais si je dois. On a parlé. Après le bain, il s'est recouché. Qu'est-ce? Il s'est recouché? Il t'aura oublié. Il m'oublie avec une facilité, hein. Dites à monsieur que monsieur et madame Rollo l'attendent. Oui, depuis une heure. Bien, madame. Mais ça m'étonnait aussi, Noël est toujours très poli. Non, j'espère que tu vas foutre Jeanne à la porte. Il n'en est pas question, il nous est très utile, enfin, sauf en ce qui te concerne. Tant pis. Ah, je suis bien contente de te revoir, hein, ma patate adorée. Je ne suis pas ta patate à toi. On n'a pas de fièvre cérébrale pour une patate. Il vous a raconté? Vaguement. Oh, il raconte pas ce genre de choses vaguement. J'ai plus de tact que tu ne crois. Eh bien, nous allons voir. Je vais vous la raconter, ma fièvre cérébrale. Oh, tu la racontes très mal. Figurez-vous que j'ai été folle de votre mari, mais folle perdue. Ça, tout ce début est excellent. Et même. J'avais cru que mon sentiment était partagé. Mais il l'était, idiote, il l'était. Ne crie pas tant. Mmh. Alors, j'avais 15 ans, lui un peu plus de 16. J'espère que vous n'en êtes pas jalouse. Pas du tout. Bien, nous voilà à l'époque. Vous fait voir. C'était chez le photographe du Touquet. Mais, ça, c'est du faux sable. Une fausse cabine, le voilier est peint sur la toile, mais c'est bien nous. Oh, toi, peut-être, mais pas moi. Non, cette photo, tu vois, c'est comme celle d'une fille que j'aurais eue, que j'aurais adorée, mais qui serait morte. Non, mais crois-tu que j'étais jolie, hein? Avec tous ces cheveux dans la figure, ce regard intrépide. Mais dire à me voir, on me comprend, ça devait être un vrai plaisir de m'aimer. Ah, j'ai prouvé que non. Ah, c'est bien fait, tu es trop fat. Mais dis-moi, tu gardes cette photo sur toi toujours? Bah, dis donc, mais tu penses, une petite comme celle-ci qui meurt presque pour Rome. Ah, ouais, mais c'est un certificat. Ah, vraiment? Léon et moi... J'en ai fait des conquêtes à cause de toi. Alors, si tu m'interromps tout le temps, je pourrais pas raconter mon histoire. Une des plus jolies que je connaisse. Nous nous étions embrassés une dizaine de fois. Oh, Marc, plusieurs dizaines de fois. 53 exactement. Tu racontes très mal. Mais oui, c'est facile de le vérifier. Je l'ai marqué au fur et à mesure sur mon carnet. Donc, je n'ai compté, bien entendu, que les baisers sur les lèvres. Bien entendu. Mais c'était mes premières vacances seules et j'avais cru que c'était arrivé. Mais c'était arrivé, stupide. Un matin, nous avions rendez-vous pour une balade en mer. Un vieux pêcheur et nous, il faisait beau. On devait passer ensemble toute la journée. Et... Monsieur n'est pas venu. Parce que tu avais dansé toute la soirée au casino sans moi. Monsieur est parti pour Paris. Il est resté 10 jours caché chez un copain sans me donner de ses nouvelles. Et quand il a daigné le faire, j'étais dans le coma. Bon, je t'ai demandé pardon. Ah, ça, on m'a guéri, hein, de lui aussi. J'ai oublié complètement, totalement. Quand il est venu me voir à la clinique, je ne l'ai pas reconnu. Oh non, non. Non, j'en ai déjà trop dit. Si tu te parles à toi-même, tu vas devenir fou. Non, rien à craindre, je ne m'écoute pas. Alors, je suis restée 10 ans sans le revoir. Et c'est Noël qui me l'a amené à déjeuner 3 mois après notre mariage. Très jolie histoire. Et qui vous fait honneur. Oui, mais à moi aussi. Il y avait de l'orgueil en ce temps-là. Ah, on l'appelait Léon l'Indomptable. Encore l'Indomptable. Mais il n'est pas encore dompté. Enfin, pas tout à fait. Ah, vous êtes adorable, hein. Je vous en veux un peu. À cause de vous, il ne m'aura pas regretté. Oh, je vous jure bien que si. Comment va votre ravissante fille? Elle ne va pas très bien en ce moment. Mais vous allez la voir. Oh, dis donc, tu risques le gros coup, là, tu fais donner toute la famille. J'ai besoin que Noël m'avance 50 000 francs sur une de mes inventions, alors on ne tire pas le canon en demi-teinte. Toujours aussi spirituel, on voit que tu n'as pas eu de fièvre cérébrale. Ah, que veux-tu? Moi, je ne me suis pas rencontré. Ah, tu m'agaces. J'espère bien. Bon, je vais essayer de presser Noël, maintenant qu'il vous est là, il va vouloir se faire beau. Voilà, quel travail, il y en a pour une autre heure. Hein. Je vous demande 3 minutes et je vous l'amène dans quelque état que ce soit. Je vais peut-être pas revenir tout de suite. Je vais d'abord te laisser travailler. Elle est jolie? Oui. J'ai toujours eu du goût, moi. Tu ne vois même plus qu'elle est jolie. Ah. C'est ta faute. Mais elle a quelque chose de dur, d'impitoyable dans les yeux. Ah oui, et ça, c'est ma faute à moi. Tu crois qu'elle aime Noël? Comme elle m'aimait. C'est bien ça, mais... Elle l'adore, elle le couvre, elle est d'une jalousie seulement ce salaud-là le sait, je prie croire qu'il se tient tranquille. Vous avez de drôles de rapports. Qui c'est Véronique et moi? Oui. Elle a pour toi du respect et de la crainte. De la crainte, tu crois? Tu es tout de même un ancien malheur. Ouais. Pour une fois que j'ai eu de l'orgueil dans la vie, j'ai failli tuer quelqu'un. Ne t'étonne pas si j'ai renoncé. Tu as renoncé à bien d'autres choses. Tu crois que je me connais pas? Oh, oh, oh, oh si, ma petite. Allez. Et c'est ce dont je souffre le plus, je veux dire. C'est horrible là-dedans. Oh, mon chéri. Dis donc. Dis donc. Tu as vu Véronique regarder notre photo? Elle regrette ce temps-là. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, non, c'est égal. Hein? Ah, quel chance j'ai manqué. Tu te rends compte, non? Quelle affaire? Non, 100 millions de l'époque, peut-être davantage, et c'est moi qui dirigerai la banque, les assurances, les tissus, toutes les affaires. Tu sais devant qui tu dis ça? D'ailleurs, ne rêve pas trop, tu l'as dit toi-même, elle est folle de Noël. Enfin, non, pas, je l'aurais reprise, seulement juste à ce moment-là, je fais la connerie de t'aimer. Quoi, qu'est-ce que tu as? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as mâché? C'est pas à cause de ce que je t'ai dit. Mais non, madame, mais t'as pas compris. J'en regrette pas de t'aimer, j'en regrette que ce soit une connerie. Non, j'aurais pas dû dire ça, mais... Non, écoute, non, ma jolie, ma chérie, écoute, dépêche-toi de revenir à toi. Que Caroline te trouve pas dans cet état. Mais écoute, t'as pas compris, mon pas. Mais c'était pas méchant, c'était idiot ce que je t'ai dit. Allons, allons, mon chéri, allons, voyons, allons. Quand tu amènes ta femme chez moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas pour lui flanquer des gifles. Non, ne sois pas idiot, elle vient d'avoir un malaise. Ah, à cause de toi, j'en suis sûr. C'est rien. D'ailleurs, l'effet que tu produis. Vous vous sentez tout à fait remise? Tout à fait, merci. Hein? Ah. Et tu rentres chez toi, bien entendu. Mais pas du tout, pourquoi ça? Tu n'aurais pas le cœur à discuter avec ta femme dans cet état. Mais elle va très bien, n'est-ce pas, chérie? Très bien, tout à fait bien. Ah, je vais vous faire accompagner par le chauffeur. Mais tu as seulement... Léon voudrait vous parler. Qu'as-tu bien pu faire pour mériter une femme pareille? Mais c'est une question que je me pose souvent à ton sujet. Vous portez votre cœur dans vos yeux. Quel dommage. Qu'elle m'ait épousé, c'est ce que tu veux dire? Quel dommage que tu n'amènes pas ta femme plus souvent, on te supporterait plus facilement. Ne me fais pas cette tête-là. Mais tu blagues? Oui, je blague. Restez pas debout, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi? Je te croyais mort. Oui, j'ai cru moi-même très longtemps. Quand ça marche pas là-dedans, hein? C'est l'impression qu'on a toujours. Et tu dois en savoir quelque chose. Tu blagues, hein? Eh oui, je blague. J'aime bien quand tu blagues. Tu n'es pas intelligent, mais tu es spirituel. M'excuserai, nous sommes de vieux amis. Je vous en prie. Je m'en vais de bain, mais dis donc, toi. À quoi servirait l'amitié si ce n'est à autoriser la franchise? Ben voyons. Tu n'es pas intelligent, c'est un fait contre toi. Oui, tu le soulignes. Je l'enregistre, mais je corrige immédiatement cette pénible constatation par l'atténuation qui s'impose. Tu es spirituel. Pourquoi? Pourquoi tu corriges ta constatation? Oui. Bon, je donne ma langue au chat. Parce que je suis ton ami. Oh, oui. Tellement que tu te ruinerais. Si c'était possible, pour pouvoir me prêter de l'argent. Nous y voilà. Alors comme ça, t'as besoin d'argent? Oui. Ah, ma vieille patate a besoin d'argent. Ce qui est agréable en amour, c'est d'être cru, en amitié, c'est d'être compris. Je te comprends tout de suite. Tout de suite. Il est vrai que tu me donnes presque toujours la même chose à comprendre. Alors? Je croyais que tu avais gagné des millions à Vichy avec ta martingale. Ben, j'ai dû constater que je n'y étais que pour ma santé. Ouais. Oui, mais je sais ce que tu vas me dire. Rien de tel que la santé. Ah, combien? Tu me demandes de combien j'ai besoin? Fais-moi un prix d'amis, hein. 50. 50 francs? Non, 50 000. 50 000, ça j'avais senti que tu serais cher aujourd'hui. Oui, tu n'es pas spirituel, mais tu es intelligent. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que tu te foutrais de moi. Oh, tu blagues? Non, je comprends maintenant pourquoi t'as amené ta femme. Tu as pensé que j'aurais honte devant elle, honte de te refuser 50 000 francs. Tu as mal calculé ton affaire, mon vieux. On n'a jamais honte de refuser 50 000 francs. Sinon, toi, tu devrais... Non, c'est normal de refuser 50 000 francs. C'est même une preuve de bon sens. Tu serais venu comme d'habitude avec ta bonne figure de patate, me soulager de 2 000 ou 3 000 francs, je t'aurais fait ton chèque. Tu vaux ça. Donne-moi des coups de coude. Quoi? Non, là, je sens que je m'énerve, alors je lui demande de me donner des coups de coude pour me calmer, parce que... Ah, tu me feras toujours rigoler. Je te fais rire. Ah oui, ça, là, le coup des coups de coude, ça, on peut pas résister. Ah, tu vois, on peut pas résister. Hein. Ah là, non, excusez-moi, chère madame, d'avoir aboyé. Il a bien cherché. Tu viens, Léon? Mais naturellement, non, je ne viens pas, parce que je te prends. Je crois que monsieur Carradine a été très clair. Mais il n'a pas été clair du tout. Mais assieds-toi. Mais il va me donner cet argent, il va me le prêter. Une partie seulement, hein. 5 000, d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute de 5 000 francs? Ah, ça, c'est ton affaire. Moi, je te prête 5 000 francs et pas un sou de plus. Et j'estime que je suis très gentil. Hein. Tu changes, Noël. Tu changes. Et j'aurais bien peu d'affection pour toi si je ne m'apercevais pas que la tienne se refroidit. À 5 000 francs, tu me trouves froid. Je te trouve tiède. Oui, moi aussi. Ah, merci, Véronique. Allons-nous-en, Léon. J'ai honte. Il n'y a pas de honte à faire son devoir. Ton devoir est de me soulager de 50 000 francs. Mais vous ne pouvez pas partir. Il faut attendre votre fille. Ta fille va venir. Hein? Quelle drôle d'idée. Elle a bien fait les choses. Ah. Elle sait pourquoi tu es là? Elle s'en doute. Vraiment, je serais ravi de revoir cette petite. Elle doit bien avoir 12 ou 13 ans maintenant. Hein? 18. Mais elle en paraît davantage. Cachotier, hein? Il nous montre sa famille que dans les cas désespérés. Mais mon cas n'est pas du tout désespéré. Non, écoute, patate, aide-nous. Hein? Personne ne demande 5 briques comme ça, sans raison. Tu dois bien avoir un prétexte. Mais j'en ai un, et très bon. Vas-y. Bon, c'est 5 briques. Une goutte d'eau pour toi. Une goutte d'eau? Enfin, bon, je te les demande pour financer mon invention. T'as inventé quelque chose, toi? Il a inventé une façon de fabriquer les gouttes d'eau. Oh, t'es spirituel, toi aussi hein? T'as vraiment inventé quelque chose? Je sais bien qu'en principe, ton métier, c'est d'être inventeur. Mais là, t'as vraiment fait une invention. Non, c'est pas absolument une invention. Ah bon? Il fallait quand même l'inventer. Mais c'est pas, à proprement parler, une invention. Bon, mais explique-toi. Ce serait plutôt une espèce d'idée. Je me méfie de ces idées. Quand je dis idée, ce serait plutôt un jeu. Je crois que c'est vraiment très ingénieux. Ah, si ta femme le dit. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'exploiter commercialement. On peut tout exploiter commercialement. Bon, ben nous t'écoutons. Enfin, c'est le principe du jeu de loi adapté à l'astrologie. Tiens. Alors, ça remplace les tarots, le marc de café, les lignes de la main, et jusqu'à un certain point, les étoiles. Ouais. Ben, mon jeu, c'est l'astrologue et la voyante en même temps. C'est-à-dire le destin à domicile. Et les dés sont là pour tenir compte de l'intervention personnelle. Ah oui, mais alors... Tais-toi. Pardon? Alors, tais-toi, mon chéri. Continue. Oui. Alors, voilà, on part de la case de son signe. Alors, toi, par exemple, taureau, 27 avril, brillant, emporté, économe. Économe, Mais non, mais tout le monde sait ça, c'est l'ABC de l'astrologie. Bon, alors... Avec ce départ-là, un autre type, né... Le 27 avril fera un tout autre parcours à cause des dés. Bravo! Ah oui, non, mais c'est le jeu de société d'aujourd'hui. Mais tu sais, tout le monde croit à ces couillonnades hein, aujourd'hui. Non, mais même si on n'y croit pas, hein, c'est distrayant. Très. Non, l'idéal, évidemment, ce serait d'être interdit par l'Église. Hein? C'est pas assez, hein. Oh, comment? Tu as pas refusé sans réfléchir, bêtement. Laisse-moi finir mes phrases. 50 000 francs, c'est pas assez. Ah oui, on va te gêne pas. Il en faut 150 ou 200 000 francs pour lancer une affaire pareille. Non, tu te rends pas compte, mon vieux, c'est original dans ma chasse, c'est poétique, là. Non, les Américains vont adorer ça, je vais leur vendre la boîte 20 dollars et avec les 200 000, on en fait 500, là. Voilà, tiens, tout est commun, hein. Tant mieux. Bon, tu auras tes 50 000 francs. Pour le brevet. Parce que, naturellement, t'es plus dans l'affaire, quoi. Comme peut-être lui consentir un pourcentage. Mais il le faut! Jamais de la vie! Il voulait m'escroquer. Il y croyait pas à son idée. Il est juste qu'il soit puni. Non, je croyais pas à mon idée, moi. Léon! Oh, mon voix, comme... je veux pas me laisser dépouiller. Dépouiller, dis donc, je te dépouille. Mais comme un lapin. Eh ben, nous allons voir. C'est toi qui as pris le brevet? Non. Qui? Une charmante femme, Simone Souchy. Je la connais, charmante. Tu lui as payé combien? Hein? Non, je sais plus exactement, mais... Combien? 2000. On te demande l'heure qu'il est, toi, hein? 2000! Tu fais 48 000 francs de bénéfices nets et je te dépouille... Oui, mais la question n'est pas là! Tu l'as pas dépouillé, toi, la petite Souchy? Oh! C'est à elle que je consentirais un pourcentage. Sais-tu pourquoi j'adore le catch et les matchs de boxe? Non, je ne vois pas le rapport. C'est que de ma place, je peux insulter des types beaucoup plus forts que moi, auxquels dans la vie, je serai obligé de présenter des excuses. C'est pour moi que tu dis ça? Tiens, monte sur un ring, tu vas voir. Mais tu me détestes, hein? Oui, pas du tout. Pas du tout, oui, pas du tout. Je blague. Pas tellement. Tu te souviens de Bourdille? Bourdille? Oui. Celui à qui Mahmoud obligeait tous les lundis matins d'écrire sur le tableau « J'étais le dernier de la classe, je serai le dernier de la classe, je suis le dernier de la classe. » Ah oui, ah, Bourdille. Je l'ai rencontré il y a 15 jours. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Mais il en raconte tellement. Un jour, en sortant de Janson, il y a plus de 20 ans de cela, hein, tu l'as à moitié assommé d'un coup de cartable sur la tête. Oui, pour rigoler, probablement. Oui, probablement. Et comme il se relevait à moitié groggy, tu lui administrais deux ou trois opercutes, quelques gauches, avant de le reconnaître. Et alors, et pourquoi pas? Mais seulement quand tu l'as reconnu, tu l'as brossé, tu l'as bichonné, tu t'es mis en quatre, et tu lui as dit, excuse-moi mon vieux, je t'avais pris pour Carradine. Oui, je me rappelle. Oui. Il est resté 2 jours au lit. Je me souviens plus quelle vacherie tu avais dû me faire. Il m'en a rien dit à l'époque parce que tu avais promis de l'envoyer 2 mois à l'hôpital s'il m'en parlait. Brave Bourdille. Mais où veux-tu en venir avec ton histoire idiote? Qu'elle pourra expliquer bien des choses qui me paraissent pas très claires. Lesquelles? Écoute, je te conseille de pas poser de questions. J'adore poser des questions. Trouve-en d'autres. Mais je ne sais pas celle qui t'amuserait. Un conseil? Tiens-toi tranquille. Mais je suis tranquille. Alors c'est même plus un conseil, c'est déjà un avertissement. Et un homme averti en vaut deux. Proverbe pour proverbe, rira bien qui rira le dernier. Celui qui rit le dernier a souvent les dents cassées par celui qui ne rit plus. Quoi? Et le rire est moins joli avec toutes ces dents qui manquent. Mais pourquoi dis-tu ça? Mais vous devenez fou ou quoi? Je veux bien être bon, mais je veux pas être bête. Non, rectification, tu es bête, mais tu voudrais bien être bon. Non. Écoute, une patate, ça s'écrase. Noël. Un mot de plus. Et je te vends pas mon brevet. Chiche. Je blague. Moi aussi, je blague. Je t'aime bien, dans le fond. Moi aussi, je t'aime bien. Eh ben, la bonne heure. Vous étiez à faire peur, tous les deux. Non, mais tu sais ce que c'est. On parle. On finit par dire n'importe quoi, hein. Ah, ça, c'est juste, oui. Non, je reconnais que j'étais agaçant. J'ai pas été très aimable non plus, non. Pas très. Non, mais tu me connais, moi, pour faire un mot drôle, je tuerais père et mère. Heureusement que je suis orphelin. Heureusement. Non, je sais bien que tu ne me dépouilles pas, mais c'est la formule consacrée. En général, on s'en sert pour obtenir plus d'argent. Mais tu sais bien que je n'irai pas m'amuser à écraser ma vieille patate. Ce serait bête et méchant. Je vous préfère dans ce numéro-là. Dis donc, tout à l'heure, ta femme et moi, on a eu l'air de deux gourdes. Hein. Surtout moi. Ah, je suis toujours comme ça quand je me lève, moi. Oui, moi aussi, oui. Heureusement que c'est le matin qu'une fois par jour. Hein. Mademoiselle Rollo est là. Mais quelle autre? Oui, ne la faites pas attendre. Oui, surtout qu'elle n'aime pas ça. Ah, elle n'aime pas ça. Oui. C'est quelqu'un, notre fille. Oh, elle n'a pas besoin de ta publicité, nos amis verront bien. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Non, mais on n'est jamais en retard chez cette excellente Caroline. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est-tu ce qu'il croyait, cet excellent Caroline? Ah, oui, je t'en prie. Il croyait que tu avais 12 ans. Oh, monsieur Caradine ne s'aperçoit pas que le temps passe. Ouais, non, elle veut dire là que tu ne te vois pas vieillir. Mais tu vas pas recommencer. Ne te fatigue pas, je préfère traduire moi-même. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Pardon? Je dis que vous êtes bien jolie. Deux propositions par semaine, c'est ma moyenne. Ça, vous n'avez pas de complexe. Hein? Je ne demanderai pas mieux, mais dans ces conditions-là, ce n'est guère possible. Deux propositions par semaine. Bon an, mal an. Elle me raconte tout, c'est vrai. Et de quand la dernière? D'hier soir. D'hier soir. Intéressante? Pas très. Entièrement faite par geste. Par geste. Ne répète pas tout ce que dit mademoiselle, c'est agaçant. Alors j'ai répondu par geste aussi, ma main sur sa figure, et il m'a traité de petite putain. Oh, les hommes sont illogiques. Ce qui m'a permis de lui rétorquer. Merci de me l'avoir dit, ça m'évitera de le prouver. Oh, ce n'est pas une réponse de jeune fille. Mais qui est-ce que je lui casse la gueule? Léon a raison, il mérite une bonne leçon. Vous vous croyez au Moyen-Âge, Léon? Par contre, vous êtes très moderne. Ah, j'espère que non, c'est démodé d'être moderne. Oh, excusez-moi, je ne vous savais permettez, pas. Vous permettez, je suis très fatiguée pour mon âge. Ah, votre fille est un caractère. Oui. Didi, tu m'excuseras, j'ai séché le cours. Ah, vous suivez des cours? Si j'ai eu de la chance, si les examens ne sont pas trop difficiles, si un copain me prête sa copie, je serai pharmacienne dans 3 ans, peut-être. C'est pas bien de sécher les cours. Mais Léon m'avait dit d'être là entre 9 et 10. Oui, dis-là, il en est 10 et demi. Ah, je sais bien. J'espérais que vous soyez partie. J'espérais dire au maître d'hôtel, alors si mes parents sont partis, ne dérangez pas monsieur et madame Caradine. Oh, c'est pas très aimable ça, mademoiselle. Je crois que si. On ne trouve pas bien que Léo nous ait fait venir, maman et moi, pour essayer de vous attendrir. Dis-donc, mais, non, mais on ne te demande pas. Je te l'ai dit aussi. J'espère que vous lui avez refusé ces 50 000 francs. Eh non, non mais non, mais si tu es folle, alors dis-le carrément là. Mais enfin, 50 000 francs, c'est facile à refuser. On n'a pas l'air sans cœur parce qu'on ne se laisse pas taper de 50 000 francs. Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Vous croyez que vous rendez service à papa? Au contraire, c'est à cause de vous qu'il est si feignant. Oh, mais je suis fâché, moi. Ne me dites pas que vous avez marché pour son invention. Mais si, j'ai marché. Mais naturellement, il a marché. Vous êtes trop bête. Pardon. Non. Je vous pardonne, mais je ne vous crois pas. Le destin à domicile. C'est une couillonnade, le destin à domicile. Mais je ne trouve pas. Bah, il espère retirer 500 francs, simplement. Alors, s'il vous fait faire de bonnes affaires en plus. En plus de quoi? Ah, j'espère, papa, que tu as obtenu un pourcentage pour Simone. Il l'a obtenu. Ah, Edith, elle me plaît beaucoup, votre fille. J'en étais sûre. Elle est peut-être un peu abrupte. Alexa, ma chérie, madame Caradine te trouve très sympathique. Elle a bien tort. Mais elle te trouve aussi un peu abrupte. Ça, je suis abrupte. Mais dis donc, toi, mais si tu as séché le cours, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à 10h30? Je ne me sentais pas bien. Je suis allée chez le toubib. Vous ne vous sentez pas bien? Pas bien du tout, tellement fatiguée. À votre âge. Qu'a dit le docteur? C'est charmant chez vous. Nous aussi, nous avons des renoirs, plus beaux que les vôtres. Des reproductions, malheureusement. On en fait très belles, oui. Vous êtes riche comme un sorcier. Ce n'est pas une raison pour nous pourrir notre Léo. Refusez-lui cet argent. Mais lui, il va pas refuser la fortune. Tu n'as pas répondu. Qu'a dit le docteur? Mais rien d'intéressant. Que je me portais très bien, que ma fatigue était tout à fait naturelle. Là, tu es contente. Tu me parles sur un ton. Pardon, Didi. C'est inouï ce qu'elle te ressemble, Léon. Ça m'étonnerait. Si c'est physiquement, vous n'êtes pas aimable. Moralement, c'est prodigieux. L'humeur, la drôlerie, le manque de tact. Oui, oui hein. Non, mais physiquement aussi, cette petite lumière, là, ironique au coin de l'œil. Et la lèvre gourmande. J'ai la lèvre gourmande, moi. Oh, tu me fais de la peine, Véronique. Comment comparer ce petit miracle à cette vieille patate? Tu m'excuses. Oui, autant que tu n'as pas signé ton chèque, je t'excuse pas. Non, je ne veux pas te faire de peine, Léon, mais on voit bien que ce n'est pas ta fille. Hein? Ça se voit tant que ça? Mais c'est la vôtre, Edith, alors. Non. Malheureusement, je ne suis pas non plus la fille de Didi. Non, mais non, laissez-la. Elle déteste parler de ces choses. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je veux bien en parler, car je n'aime pas beaucoup le ton que vous employez avec Léo, monsieur Carradine. Ah. Il faut que je lui explique un peu qui tu es. Bon, à quoi bon, il comprendra pas. On se connaît depuis plus de 20 ans. C'est ce que vous croyez. Je suis trop complexe pour lui. Vous savez que je ne suis pas sa fille. Vous ne vous êtes jamais demandé comment je l'étais devenue. J'avoue que non. J'avais 3 ans quand mon père a décidé de me faire orpheline. Je ne comprends pas. Mon père a tué ma mère d'un coup de revolver parce qu'elle le trompait, et puis, comme il ne lui restait plus rien, il s'est fait justice, comme on dit. Excusez-moi, dis donc, je ne savais pas ça. Papa et maman habitaient... Non, là, elle veut dire Edith et moi. Papa et maman habitaient le même palier que mon père. Edith ne passait jamais devant la porte sans me donner des bonbons, du chocolat, alors c'est naturellement vers elle que je suis allée ce jour-là. Je l'ai arrêté dans l'escalier. Et je lui ai demandé, paraît-il, « Donne-moi du chocolat, Didi. Ils sont tout rouges, tous les deux. Ils ne veulent pas me répondre. » Pauvre petite. Alors elle est rentrée dans la chambre et elle m'a regardée. Elle et la patate m'ont gardée. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas établi de budget. Quand il n'y en a pas pour deux, il y en a pour 3. Ils avaient la vie difficile. Vous le savez mieux que personne. Ils ont accepté qu'elle soit impossible parce que j'avais 3 ans. Que ce n'était pas ma faute si mes parents n'avaient pas su s'aimer. Voilà pourquoi il ne faut pas parler sur ce ton à Léo, monsieur Carradine. J'accepte la leçon, je la mérite. Mais tu remarqueras que je n'ai rien dit. Je les ai cru mes parents jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à ce que le concierge, qui était là le jour du crime, me raconte tout pour se venger de Léo qui lui devait 2 termes. Mais tu ne devais pas être en France à ce moment-là. Ce salaud en est mort d'ailleurs. Et j'espère qu'il ne repousse pas en paix. À cause de lui, j'ai été une 2e fois orpheline. Non, mon chéri. Ça m'a donné une fière idée de l'amour. Quel est votre nom? Rollo. Non, l'autre. Le faux. Flanagan. Papa était irlandais. Je l'admire beaucoup, d'ailleurs. Oh, alors là, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Oh, pas parce qu'il a tué ma pauvre mère, mais parce qu'il a attendu 6 ans avant de la tuer, sachant très bien qui elle était. Petit un esprit vraiment très original. Je parle. Il n'y en a que pour moi. C'est votre faute, monsieur Carradine. Vous êtes tellement insolent. Vous ne me trouvez pas sympathique. Vous allez me trouver très mal élevée. Non, mais avouez, vous ne me trouvez pas sympathique. Non, surtout pas aujourd'hui. Oh. C'est idiot ce que je dis. Je ne vous ai vu que lorsque j'étais toute petite. Oh, je suis tellement fatiguée. J'aurais probablement voulu... Et puis, qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs? C'est bizarre aujourd'hui. Vous n'êtes pas mal pourtant. Distingué. Très frais pour son âge, hein. Encore joli garçon. Oui, mais je suis comme vous, je ne comprends pas, je passe mon temps à rendre service et je me fais des ennemis terribles. Oui, ne dis pas de mal de tes ennemis, c'est toi qui te les ai faits. Ouh, bravo, tu penses maintenant. Par les œuvres mondes. Eh bien, ça m'ennuie beaucoup de vous déplaire, mademoiselle. Ah, je n'aime que les gens à qui je peux être utile. Vous êtes très dur. J'essaie de me rendre intéressant. Ah, vous y parvenez, hein. Votre mère vous écoute bouche bée. Ne vous y fiez pas. Léo et moi, nous faisons du bruit. À l'usage, vous constaterez que Didier est la seule vraie personne des 3. N'allez surtout pas la croire. Moi, j'ai mes petits trucs qui épatent les copains. Quand je sors, je dis que je me couche. Et quand je me couche, je dis que je sors. Enfin, le fameux mystère des filles, quoi. Bon, je te fais ton chèque. Oui, s'il te plaît. Oui. Pas devant moi, je ne peux pas voir ça. Mais c'est pourtant une chose à voir. Ça me dégoûte, je ne peux pas voir ça. Ferme les yeux. Je te préviens, s'il l'écrit devant moi, je le déchire. Bon, tu m'embêtes. Bon, passe à la banque vers 3 heures. Oui, mais tu changeras pas d'avis à l'intervalle. Parole de Carradine. Mais tu as raison, c'est plus simple. Je m'embête. Tu m'embêtes. Je t'embête. Décidément, je ne regrette pas d'avoir fait la connaissance de votre fille. C'est un numéro. Et encore, elle est malade. Elle a l'air de vous adorer. L'amour est à ceux qui y pensent. Mmh. Vous êtes une famille de philosophes. Je t'approche. Je ne pourrai pas, non. Une constatation que j'ai faite moi-même, d'ailleurs. Je vous raccompagne. Chère madame, au revoir, Edith. Au revoir, Noël. Bon, eh bien alors, au revoir, mon vieux, mais merci encore pour... hein? C'est lui qui doit te remercier, tu lui apportes une bonne affaire. Ah ben, elle a raison. Merci, mon vieux. Au revoir, Léon. Au revoir, mademoiselle. Dis, Léon, n'oublie pas le brevet, oh, hein. Toujours content de te rendre service. Quelle comédie ils nous ont fait jouer. Je ne serais pas venue, mais j'avais besoin d'un rendez-vous. Quelle chance. Il faut que je te parle. Demain chez nous? Non, ce soir, 9h. C'est si urgent? C'est terrible. J'avais oublié mon sac. Eh bien, merci, monsieur. Sans rancune, j'espère. Au revoir, madame. Au revoir. Elle est amusante, hein? Oui. À quoi? J'invente. Je vois bien, mais tu inventes quoi? Un jouet. Quel jouet? Ben, je ne sais pas encore, ça vient pas. Oh, mon pauvre chien. Alors, ce qui m'amuserait, ce serait de trouver un robot qui serait le département. Difficile. Mais surtout que je ne sais pas moi-même. Va-t'en, j'ai inventé son marteau parce que je suis très nerveuse. Mais pourquoi ça? Tout va très bien. Inventer son marteau, il y en a de bonne. C'est pour moi, je suis pas rentrée. Mais est-ce que tu rentreras? Quand on téléphone, on verra bien. Ben, suppose que ce soit Jérôme. Il est fichu de taper 10 fois dans la soirée. Ben, qu'il appelle. Oui, mais s'il appelle 10 fois, nous, on sera obligés de répondre 10 fois. Je sais bien. Mais ça nous embête, nous, de répondre 10 fois. Je sais bien. Pense un peu à nous. Mon petit Léo, tu ne voudrais tout de même pas que lorsqu'un garçon me demande, il me trouve du premier coup chez moi comme si je l'attendais? Ben, tout de même pas. Bon, tu me permettras, j'espère, de l'inquiéter un peu. Oh. De cultiver mon mystère. Ben, écoute, si tu y tiens. C'est pourquoi je ne suis pas rentrée. Bon. Et pourquoi tu ne sais pas si je rentrerai? Bien entendu. D'ailleurs, c'est bien simple, tu ne sais rien. Bien. Allô? Plus personne? Déjà découragé. Ah non, quelle mufle, hein? Ça devait être quelqu'un qui te demandait. Non, c'est rien, t'en fais pas, Lise, c'est quelqu'un pour moi. Oh, il me fera toujours rigoler. Alors, Edith? Edith? Oui? Non. Ce Caradine, quel salaud, hein! Qu'est-ce qu'il a encore fait, Caradine? Oh là! Fiantex, cet après-midi, on me donnera les 50 000 francs. Hé, hey, tu réponds, je tiens à ce que Jérôme sache que je ne suis pas rentrée. Allô? Allô, j'écoute. Ici Gobelin, 2244, Léon Rollot. Rien. On a peut-être coupé. Mais penses-tu, j'entends respirer? Mais répondez, mon Dieu, qui êtes-vous? Oui, si c'est une blague, elle est idiote. On a, vous avez l'air drôlement ému, dites donc. Je vous entends râler au bout du fil, hein. On a raccroché. Tiens. C'était pour toi. Ah, quand on ne répond pas, c'est pour moi. Et c'est le même type que tout à l'heure. Tu l'as reconnu à sa sonnerie? Qui est-ce? Oh, t'aurais dû me passer l'appareil, je l'aurais peut-être repéré à la respiration. Je suis sûr que c'était à toi qu'on voulait parler, et je suis sûr que tu en es sûr. Dans ce cas. Oui, seulement, tu devrais faire remarquer à ton correspondant que tu devrais lui expliquer que c'est idiot. C'est complètement idiot de ne pas répondre et de respirer très fort dans l'appareil parce que les parents, même pas très intelligents, ça les inquiète. Toi, par exemple, ça t'inquiète. Apprends-lui le coup du faux numéro. On fait téléphoner d'un café par le barman. Si c'est la fille qui répond, bravo. Si c'est le père ou le mari, on demande Balzac 001 tout seul et on s'excuse en disant que le service des postes est mal fait. Allô? Allô? Non, non, monsieur, non. C'est pas Turbigo 1240, j'ajoute que ma fille n'est pas rentrée et que moi, son père, je vous emmerde. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Non, j'en ai assez. Mais pourquoi tu lui dis que je suis pas rentrée? Mais bien commandé. Mais pas à lui! pas, lui. Il va par téléphoner maintenant, avec toi qui lui raconte que je ne suis pas rentrée. Bah, excuse-moi, je peux pas prévoir. Oh, donc. Allons donc. Tu pouvais très bien être grossier sans lui raconter ma vie. Oh, bah, mais t'énerve pas. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui se trompait de numéro. Malheureusement, non. Ce soir, il devait demander Turbigo. Ah. Ah, il connaît le truc. Ah, c'est moi qui lui ai appris. Mais dis-donc, mais j'y pense. Mardi. C'était peut-être lui, la petite fille, qui me demandait sa tante Agathe. Et moi, comme une bonne gourde... Pareil que t'étais tordant. Qui est-ce? Tu ne le connais pas. Oh, alors, fiston, écoute, je suis pas une brute et... tu n'es pas un enfant martyr. En 15 ans, je t'ai pas donné une seule gifle. Tu sors quand tu veux, je suis le premier à rigoler de tes petites blagues. Je crois que tu m'aimes assez pour n'avoir pas besoin de me mentir. Mais puisque tu ne le connais pas... Eh bien, justement, c'est bien ce qui m'inquiète, parce que je connais Jérôme, je connais Christian, je connais Marc, Hervé, Michel, Jean-François, Stéphane, Jojo, enfin bon, une bonne dizaine d'autres. Alors je me demande pourquoi tu ne veux pas que je connaisse celui-ci. Surtout que je sais très bien que tu ne fais pas de blagues. Quelle heure est-il? 8h15. Faut que je m'habille. Non, écoute, non. J'ai essayé d'être un bon père. Je m'excuse d'avoir pu faire mieux. Arrête d'aller à la pêche. Oui, seulement maintenant, tu es ma fille, même si ça ne te plaît plus, là. Là, je veux une réponse. Mon petit papa, j'ai rendez-vous à 9h. Il attendra. Mais... Allô, oui, c'est une dame maintenant qui demande Turbigo. Mais allô? Quel bruit tu fais, hein? Allô? Laisse-moi écouter sa voix, lui. Oui, c'est moi, Alexa, passez-moi, monsieur. Laisse-moi écouter sa voix que je rigole un peu. Papa, je t'en prie. Ah, bah, bon, c'est bon. Oh. Oui, tu peux parler maintenant. Quoi? Quoi? Oh, ça, je m'en fous, débrouille-toi. À la bonne heure, hein. Oui. Oui. Je peux pas t'en dire plus. À 9h pas, à 10, bonsoir. Eh ben, mon vieux. Oh, tu les mènes tambour battant, hein. Tu m'agaces, Léo. Tu vois, je suis à deux doigts de la crise de nerfs. Non, examinons un peu ce Turbigo, là. Je sais déjà des tas de choses sur lui. Non, vraiment, comment ça? Bah, d'abord parce que j'ai les antennes, et deuxièmement... Oh, je vais m'habiller, tu vas en faire. Voyez-la. Bah, écoute, fiston, oh, je blague. Mais j'en ai assez de tes blagues, idiote. J'accepte tes excuses. Assez, mais assez, tais-toi. Tu veux me faire taire, toi? Oh, alors là, tu m'as fait peur. Non, je me suis fait peur à moi-même, j'en tremble encore. Tu me feras toujours rigoler. Alors, profitons-en. Alexa, mon petit bonhomme, je t'adore. Je vais te dire une chose immense. Si j'avais pu choisir mon enfant, c'est toi que j'aurais réclamé. Je vais te rendre une chose immense. En se tuant, mon père, il m'a rendu service. Non, là, tu vas peut-être trop loin. Il m'a rendu service. Merci. Bon, allez, alors, laisse-moi te parler à cœur ouvert. Si tu y tiens. Il y a 2 minutes, là, tu m'as fait plaisir. Oui, j'ai cru que tu allais éclater en sanglots, me donner des coups, peut-être même te trouver mal. Ça t'a fait plaisir. Bah oui, parce que je te voyais enfin une réaction de fille. Ah bon? Ça t'embêtait que je te parle de Turbigo, alors tu m'as fait le coup de la crise de nerfs. Ça c'est bon, ça, tu vois, ça c'est crapuleux, c'est féminin. Oh, tu me félicites. Bah oui, parce qu'en général, je te trouve trop honnête, tu vois, trop brave type, trop garçon. Non, mais tu sais bien, je t'appelle fiston, bonhomme, ta mère trouve que tu as l'air d'un garçon manqué, je vais te dire. Tu penses trop. Tu n'es pas assez physique. Tu crois? Quand tu tiendras vraiment à quelqu'un, pour être un peu plus câline, un peu plus dissimulée, un peu plus chatte. Un peu plus chatte. Oui, ah non, mais t'en fous pas de moi. Ah non, mais ce sont des conseils épatants que je te donne. Alors, ta mère le dit toujours. J'aurais été une courtisane redoutable. Moitié casque d'or, moitié Cléopâtre. Mais là, je te parle sérieusement. Hein. Alors sérieusement, mon petit Léo. Si je tenais assez à quelqu'un pour vouloir le garder, j'y tiendrai trop pour vouloir le garder de cette façon. Excuse-moi, c'est un peu compliqué, ça. Si tu tenais assez à quelqu'un pour vouloir le garder, tu y tiendrais trop pour vouloir le garder de cette façon. C'est compliqué, mais c'est une jolie phrase de fille. C'est que je suis une fille, Léo, hélas. Hélas ! Une fille, Léo ! Oui, et alors, ça t'embête tant que ça d'être une fille ? Ça m'a jamais autant embêté. Oui, et encore plus que tu me prends, parce que qui est-ce qui va descendre chercher du tabac pour son père bien-aimé? Qui? Allons, qui? Sans peut-être pas être amusant, j'irai pas, mon petit Léo. Ah, décidément, t'es bizarre. Edith! Oui? Viens une minute. Compte pas non plus sur maman, j'ai besoin d'elle pour m'habiller. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi, rien. Bon, je te connais. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, quand? Pas du tout. Qu'est-ce que tu viens de dire à ta mère, hein? Moi? Oh, on fait des mystères chez moi. Vous devriez pourtant savoir que j'ai des antennes, hein? Mais non, mais tu es bouleversée, toi. Pourquoi es-tu bouleversée? Je ne suis pas bouleversée. Mais si, tu es restée toute la journée dans ta chambre, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, fiche-lui la paix! Bon, tu es bizarre, hein? Ouais, ta fille et toi, vous êtes bizarre. Ben, il est vrai qu'à notre époque, plus personne n'est comme tout le monde. Très juste. C'était le gars, là. Ce Carradine, quel salaud! Pourquoi je vois pas le rapport? Figure-toi que cet après-midi, en me donnant les 50 000 francs... Tu nous diras ça tout à l'heure! Oui, si tu veux, mais je te dis, mais Carradine, quel salaud quand même! Oh, mais il nous embête avec son Carradine! Tu te permets de juger, toi! Un peu de sang-froid, maman, je t'en prie. Bon. Je vois que tu as trouvé mes lettres. Je les ai trouvées. Oh? Dans ton petit sac. Quelle idiote je fais. Laisser traîner dans un sac des lettres pareilles. C'est ton seul regret. Excuse-moi, mais depuis ce matin, je ne vivais plus. Je ne les ai pourtant trouvées que tout à l'heure en revenant de chez les Carradine. Je ne comprends pas. J'ai mis ça en dessous de tous les tiroirs avant d'aller chez le docteur. Oui, mais comme tu l'avais laissé dans l'entrée... Dans l'entrée! Juste pour que papa ne rate pas. Oh, merci, maman, je te dois une fière chandelle. Ma petite fille, je t'écoute et je suis épouvantée. C'est moi qui suis épouvantée, tu ne te rends pas compte. Trois questions de plus et Léo t'obligeait à tout lui raconter. Tu n'as que des inquiétudes, pas le moindre remords. Mais les remords, je les ai eus. Les remords, ça commence pas quand on se fait prendre. Ainsi, toi, ma petite fille, tu as un amant. Ouh, ça, c'est pas une conversation pour toi, ma chérie. Mais comment as-tu pu? T'en parles comme si c'était difficile. Oh, ne sois pas cynique, ça ne te va pas. Je ne suis pas cynique. Je déteste te parler de ça. J'ai l'impression qu'il t'adore. Moi aussi. Et toi, tu l'aimes? Qu'est-ce que tu crois? Tu l'aimes? Toujours les grands mots. Réponds. Je ne regrette rien. Et tu as pu aimer un homme marié, toi? Comment sais-tu qu'il est marié? Bah, il parle de sa femme dans toutes ses lettres. C'est toujours à cause d'elle qu'il ne peut pas te voir. Il dirait qu'il en a peur. Ça se voit dans ses lettres. Oh, notre époque, on ne souffre plus. On a des embêtements. Ah, sa femme, elle m'a embêtée, hein, énormément. Tu la connais? Non. Et lui, tu le connais? Ah oui, lui, je le connais. Oh, je t'en prie, ne fais pas la dinde. Dis-moi qui est cet homme. Trop tard, l'autorité de mon pauvre chou. Maxime. Je ne connais pas de Maxime. Moi non plus. Enfin, il signe pourtant toutes ses lettres Maxime. Une blague idiote entre nous, ce serait trop long à te raconter. Qui est cet homme? Zut. Ton père saura bien te le faire dire. Oui, si tu me dénonces, mais tu ne me dénonceras pas. Ah non. Ah non. D'abord parce que papa me chasserait peut-être. Et surtout parce qu'il serait foutu d'avoir de la peine. Mais tu ne pourras jamais être heureuse avec lui. Mais le bonheur est-il indispensable? C'est une chose de dans le temps. Il ne divorcera pas. Jamais. Mais tu ne pourras pas faire ta vie avec lui. Ma vie, mais tu sais bien que nous les jeunes, nous n'avons pas d'avenir. C'est égal, je te demande bien pardon quand même. Quand on a fait une bêtise et qu'on est la vraie fille de ses parents, on sait qu'ils doivent vous pardonner parce qu'ils vous ont fait ce que vous êtes. Tandis que papa et toi, vous payez pour ce pauvre enthousiaste de Flanagan. Et ton père? Qu'allons-nous dire à ton père? J'aurai toujours quelques réponses d'avance. Pas moi. Moi, je vais tout lui avouer. Mais quel pouvoir a-t-il donc sur toi? Je l'aime, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, malheureusement, si maintenant, tu peux comprendre. Mais franchement, non. Moi, j'adore Monsieur X, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Mais je te jure qu'il ne saura jamais que ce que je voudrais lui dire. Si Léon me regarde, je ne réponds plus de rien. Quelle génération. Alors voilà, on va lui raconter que je suis malade. Un père préfère s'inquiéter de la santé de sa fille que de sa vertu. Mais il va téléphoner tout de suite à Mercier. Mais Mercier le rassurera, il me trouve à moitié folle. Il ne te trouve pas malade? Comment ça, malade? Tu es tellement bizarre, je me suis demandé si... Oh non, non, rassure-toi, notre bon Léo ne sera pas grand-père. Tant mieux. Je croyais que c'était le rêve de sa vie d'avoir un petit-fils. Pas de ce père-là. Maintenant, rends-moi ses lèvres. Tiens. Ton corsage, c'est pas une bonne cachette pour papa. Je déteste cet homme. Les plaisanteries qu'il t'a apprises. Oh. Les choses, surtout les choses qu'il ose t'écrire. Mais que veux-tu? Il me trouve sexy. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, je suis sexy. Comment ne le croirais-tu pas en lisant tout ce qu'il te raconte? Rien que de très banal. Ah, tu trouves? Quelle joie j'ai de t'apprendre ton corps, de t'expliquer ce petit miracle. Tu ne pourras plus regarder tes seins sans penser à ce que je t'en ai dit. Tu lis ta lettre d'amour à ta fille maintenant? Mais non! Alors, il y a un type qui veut t'apprendre ton corps. Non. Parce que moi, je te l'ai pas appris. La question n'est pas là. C'est comme pour ta gorge. Non seulement il l'a vu mieux que personne, mais il est même sûr d'en parler mieux que tout le monde. Quelle prétention, là. Et tout le monde? C'est parfaitement que ton corps est un petit miracle. C'est moi qui t'ai dit le premier. Mais oui, Léo. Tu vois, j'aurais jamais cru que toi, tu... Mais donne-moi ces lettres! Mais t'es folle, maman! Tu es une bonne fille, Alexa. Mais ceci ne regarde que ta mère et moi. C'est ce que tu crois? Maxime. Mais je connais pas de Maxime. Laisse ces lettres, tu vas avoir mal. Pas plus qu'en ce moment. Je crois que si. Hein? J'adore quand tu soulèves tes jupes pour me prouver que tu as raison. Est-ce que tu soulèves tes jupes devant ce monsieur? Oui, on a marre, mais vas-y, fais-moi voir ça, parce que j'ai jamais eu le droit à ce numéro-là, moi. Pauvre Léon. Ben, fous le camp. Ben, fous le camp tout de suite. Mais ne sois pas stupide, Léo, tu la connais si mal. Ah oui, ah, je veux dire, oui, je la connaissais mal. Sois un peu raisonnable. On n'écrit pas à Didi des choses pareilles. À moi, si. Comment, à toi, si? Cette lettre m'est adressée. Touche pas, non. Les autres aussi. Oui, mais tu es une bonne petite. Oui, tu essaies de sauver ta mère, hein, tu me plais. Mais je t'ai demandé de foutre le camp. Mais lis donc. Non, je peux plus, ça me fait trop mal. Mais au milieu d'un tas de mon chéri, de mon amour, de temps à autre, il m'appelle par mon prénom, tout de même. Non, je peux pas le croire. Tu préférerais que ce soit moi? Je suis fier de toi, ma petite Alexa, parce que tu réinventes l'amour. Alexa. Mais dis quelque chose! Pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai rien à dire, moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Rien que d'apprendre. Mon pauvre chéri. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis fier, moi aussi, que tu aies réinventé l'amour? Oh, il dit ça, comme ça. Mais non, tu avais raison. J'ai très mal. Je ne suis guère en position de te donner des leçons, mais il me semble que tu devrais faire des excuses à maman. Oh, je t'en prie, ne sois pas un seul homme. Non, mais j'aime mieux ça. Qu'elle reste naturelle. Je crois que je la mépriserais trop si elle venait nous inonder de larmes de crocodile. Pour en revenir à ce que je disais, elle a été patente, maman. Elle s'est laissée insulter, bafouer, jeter à la porte de chez elle. Tout ça pour une sale petite grue. Non, et moi? Moi qui te trouvais trop honnête. D'une certaine façon, je suis trop honnête. Trop honnête et pas assez physique. Moi, une fille qui réinvente l'amour. Mais dis ça par politesse. Moi, je t'appelais mon petit garçon manqué. Et toi, tu soulevais tes jupes. Pas régulièrement. Ah non, voilà, c'est toi qui vas demander pardon à ta mère. Je ne veux pas. Mais si, maman, bien volontiers. Peut-être que seule, je n'aurais pas osé le faire. Une pudeur idiote. Mais je suis heureuse que tu m'y obliges. Ma petite maman, je te demande pardon de tout mon cœur. De quoi, ma chérie? Grâce à toi, j'ai eu la seule scène de jalousie de ma vie. Oh, tu l'écoutes. J'avais raison ce matin. De nous trois, tu es la seule vraie personne. Vous m'avez fait bien plaisir, tous les deux. Je regrette seulement que ce soit à propos d'un drame. Oh! Un drame? Parce que tu ne trouves pas que c'est un drame? Mais c'était déjà plus un drame avant la guerre, alors aujourd'hui, tu penses? Il t'a violé? Et tu te crois au Moyen-Âge, Léo? Tu pourrais... m'appeler papa? Je ne demande pas mieux. J'essayais d'avoir du tact, je pensais que ce n'était peut-être pas le moment de te rappeler que j'étais ta fille. Mais tu es ma fille. Tu es ma petite fille. D'ailleurs, je m'en aperçois au mal que tu me fais, mais tu sais, hein. C'est pas pour l'honneur du nom, hein. Je m'en fous de l'honneur du nom. Non, c'est seulement que je comprends pas, parce que moi, j'en suis resté au vase de Soissons et au carré d'hypoténuse. Papa. Quand je pense que je te donnais des tuyaux, là, je te conseillais d'être plus chatte. Tu ne me chasses pas? Te chasser? Ma pauvre petite, non, ça c'est ma faute. Je te faisais trop confiance. J'avais fini par croire que tu étais la fille d'Edith. Ça, j'ai eu beau faire, je suis la fille de ma vraie mère. Maxime qui? Elle ne veut pas le dire. Maxime qui? Ah, maman t'a répondu. Oh, je saurais qui c'est. Je te jure bien que je saurais qui c'est. Je ne crois pas. Pour lui casser la gueule d'abord, parce que même s'il t'aime, c'est un salaud, et pour l'obliger à t'épouser ensuite. Ah, tu veux me faire épouser un salaud? Ce ne sera pas facile. Bon, il est marié? Non, pas du tout. Sans ses parents, ils ne consentiront jamais. C'est ce que tu voulais dire, hein? Oui. C'est bien drôle, ça. Quoi? Un garçon qui a peur de ses parents, aujourd'hui? Elle doit être très riche, hein? Qui, elle? Ah, la famille de Maxime, pour qu'il y tienne tant que ça. Oh, très. Non, je s'explique. Et pas marié, plutôt? On te dit que non. Tu me dis que non, toi aussi? Ah, moi, je ne sais pas. Alexa te dit que non. T'as un ami Jérôme? Non. De Christian? Non, ni d'Hervé, ni de Marc, ni de Jojo, ni de Stéphane. Mais non, mais je vois, il fait partie de la bande de Jean-François? Justement. Non, c'est quelqu'un de la bande de Jean-François et que je connais. Moi, je ne t'ai jamais dit que tu le connaissais. Non, tu ne me l'as pas dit. Maintenant, mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, quand tu m'as empêché d'écouter sa voix, c'est que tu avais peur que je la reconnaisse. Oh, t'as de ces idées. Ma petite fille, Maxime, c'est tout bigot. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton Turbigo? Et j'en sais des choses sur Turbigo. Mais on comprend rien à ce que tu dis Mais ta fille me comprend. Pas du tout. Je vais te dire une bonne chose, Alexa. Maxime ne fait pas partie de la bande de Jean-François. Ah non. Ah non, il est trop vieux pour trop ça. Trop vieux. Oui, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer quand tu t'es fâchée. Quand tu m'as félicité pour ma crise de nerfs. Précisément. Un jeune homme ne se serait pas laissé parler comme tu l'as fait. Je disais oui tout le temps. Tu peux pas, sur quel ton? Oh, mais quand vous êtes amoureux, vous les hommes, vous acceptez tout. Et je m'en fous, débrouille-toi. Mais elle a dit ça 100 fois, Jérôme. Et à 9h, pas à 10? C'est de la précision. Toi, tu sais qui est Maxime? Heureusement, non. Elle te l'aurait déjà dit. Je te répète que Maxime ne fait pas partie de la bande de Jean-François. Et moi, je t'assure que si. D'ailleurs, à notre époque, un garçon de 20 ans ne s'appelle pas Maxime. Ah. Alors, même pas Max. Alors, pourquoi pas Maximilien? Mais il ne s'appelle pas Maxime, maman! Oh, je croyais t'aider. Il ne s'appelle pas Maxime. Merci, Edith. Non, ça me gêne beaucoup qu'il s'appelle Maxime. Vraiment. Alors, pourquoi signe-t-il Maxime? Une blague idiote entre nous. Oui, je te crois, mais explique quand même. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très distingué. Et j'ai même ajouté, racé comme à la Rochefoucauld. Et alors? Et alors quoi? Maxime de la Rochefoucauld. C'est idiot. Je me crains à te le dire. Je ne vois absolument personne de distingué dans la bande de Jean-François. Tu es décourageant. Oui, quelqu'un de distingué qui ne s'appelle pas Maxime. On dirait une définition de mots croisés. Non, je veux dire, je ne connais absolument personne de distingué. Tout de même, si... Tu ne vas pas nous énumérer tes relations? Non. Non, bah, j'apprendrai peut-être quelque chose là-dedans, vraiment. Ça me fait trop mal, j'ose pas lire. Tu as raison, il ne lui dit que des choses physiques. Libidineuse, oui. Non, je connais cette écriture. Ça m'étonnerait. Elle est contrefaite, mais je la reconnais. Contrefaite? Ah oui, tu as aimé quelqu'un qui déguisait son écriture, ma petite chérie. Allons donc, pourquoi aurait-il fait ça? Non, je connais ses aides. Hein. J'ai déjà vu ses aides quelque part. Ne te fatigue pas, joueur détective, tu ne connais ni ce garçon, ni ses aides. Ah non? Ah pourquoi voulais-tu pas que j'entende sa voix alors? Parce qu'il a un accent, ça m'ennuyait que tu t'en moques. Il a un accent? Un accent? Un accent terrible. Il est du Cantal? Du Mexique. La Rochefoucauld est mexicain? Des Mexico! Il est distingué quand même. Quand même. Quel est son nom? Fernando Montes. Je vous présente mon Jean, Fernando. Nom de Dieu, c'est pas possible. Ah. Mais son écriture, mais bien sûr que je la reconnais, son écriture. Il n'y en a pas deux comme celle-là. Vraiment? C'est pas mal. Pas mal, le coup de Fernando. Seulement moi, j'ai des antennes et je sais reconnaître un Z. Bravo! Non, non, ne discute pas, c'est pas la peine. Hein, je ne discute pas. Non, je peux même te dire que tu l'as vu ce matin. ce matin. Ah, ça t'a coupé, hein? Pas du tout. Je vois, tu es verte. Mais qui a-t-elle vu ce matin? Qui a vu ce matin, tu le demandes? Oui! Qui ai-je vu ce matin? Le docteur, pardi. Ce bon docteur Mercier. Parle, il écrit comme un docteur, Mercier, il n'a pas besoin de contrefaire son écriture. Et il ordonne toujours des remèdes avec des aides. Ça, c'est vrai, presque toujours. Tu aimes le docteur Mercier. Mais sur quoi? Tout concorde. Pas très très jeune, une famille impossible. Très très riche, plus ou moins copain de Jean-François. Très sensuel aussi. Tout concorde. Oui, tout concorde en effet, et pourtant... Pourtant? Ton amant, c'est pas Mercier. N'est pas Mercier. Oh, je me disais aussi. Non! Non, c'est pas Mercier. C'est pas Mercier. Mais alors, si c'est pas Mercier, quelqu'un que tu as vu ce matin? Mais oui! Ah oui? Oh, j'aurais pas cette chance. Tu ne parles tout de même pas de M. Carradine. Oh, ça c'est trop beau, ça je peux pas le croire. Oh! Papa ne parle certainement pas de M. Carradine. J'en parle! Mais c'est monstrueux! Oui, ça, oui, c'est monstrueux, ça, tu as raison. Mais aussi, il va le payer. Mais si cher, si cher! C'est pas monstrueux, c'est ridicule! Ah oui, c'est ridicule aussi, mais à qui la faute? Tu te fais un cinéma, non, mais non, non, mais cette écriture, c'est pas au bas d'une ordonnance que je l'ai vue, c'est au bas de bonne caisse. Non. Et les aides, tu sais où je les ai vues? Les aides payées à Monsieur Rollo. Payées à Monsieur Rollo, payées. Hop, le Z. Eh bien, non. Non, je te laisserai pas commettre cette bêtise, cette mauvaise action. Oh, pauvre bébé, tu essaies de le défendre. Tu comprends pas que tu l'accuses, hein? Puisque c'est comme ça, je vais tout vous dire. J'ai vu mon amant ce matin. Je ne suis pas allée chez le docteur. Je l'ai vu avant d'aller chez M. Carradine. Oh, alors, tu fais des choses vraiment difficiles, toi, hein. Tu ne me crois pas. Mais regarde-toi, là. Regarde cette pauvre petite fille affolée. Ne demande pas de te croire, que je vous jure. Hein. T'es pas de force, hein, mon petit bonhomme. Maman, nous ne sommes pas de force. Mais je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais pas que j'entende savoir. C'est à cause de son accent. Et le truc de Turbigo, c'est pas toi qui le lui as appris, c'est moi. Nous nous en sommes servis, Caroline et moi, pour la première fois, avec les parents de Mademoiselle Michalet, quand on était en boîte. Tu comprends? En boîte. Françoise Michalet? Oui. Ah, il y a longtemps qu'on ne devait pas parler de Mademoiselle Michalet. Caroline! C'était Caroline et j'ai pas pensé à lui. Pendant 20 ans de ma vie, je suis pas resté 5 minutes sans penser à lui, sauf au moment précis où j'ai besoin de son nom. Bizarre. Mais je comprends maintenant pourquoi je le haïssais. Je prévoyais ça. 20 ans d'avance. Mais j'aurais deviné tout de suite, seulement toi, tu me racontes que c'était quelqu'un de distingué. Et alors? Mais alors, Cardi n'est pas distingué. Ah, si! Quoi? C'est un monstre, mais il est distingué. Oh, nous nous égarons. Enfin, alors, distingué ou non, je vais l'écraser. Mais puisque je te dis que c'est pas lui! Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. J'ai la preuve. La preuve? Oui, on entend. Une lettre de Noël. La seule qu'il m'ait écrite, hein, je la garde toujours sur moi. Tiens, si tu veux bien venir comparer son écriture et celle de Maxime. Mon pauvre chéri. Regarde, mais ne touche pas. Il a raison, elle est déguisée. C'est moche. Oui, hein. Mais non, mais oh, mais il me paiera ça avec le reste. Pourquoi as-tu gardé cette lettre? Parce que c'est la preuve d'une très jolie chose que j'ai faite. Récemment? Non. Mais quand on avait 16 ans. Tu n'en as jamais parlé? Bah, pas à toi. Oui, je suis un modeste. Tiens, dis. Hein? Je sous-signais, Noël Carradine reconnaît devoir à Léon Rollo une reconnaissance éternelle. Hein? D'abord pour s'être laissé accuser d'un vol que j'avais commis dans le bureau d'Henri Malbert. Et ensuite, pour ne m'avoir pas dénoncé malgré la formidable correction que lui a infligée celui-ci. Merci, Léon. Voilà, et c'est ce salaud qui séduit ma fille. Non, allez. Où l'as-tu connu? Tu vas souffrir. Non, non, où l'as-tu connu? Au sport d'hiver. Oh, allez. Et on t'y envoyait pour ta santé. C'est du stop. Chamonix, pour remonter jusqu'à Saint-Gervais, il m'a ramassé. Ramassé? Oui, c'est le mot juste. Il m'a invité à dîner. Il faisait partie d'une bande joyeuse. Elle a voulu en être. Mais comment sais-tu ça, toi? C'est raconté dans les lettres. Enfin, tu prétendais qu'il ne s'agissait que de choses physiques. Les trois autres garçons avaient une petite amie. Lui, pas. En voyant Alexa, il est devenu allergique aux autres filles. Qu'est-ce, allergique aux autres filles? À ce qu'il dit. Oh, alors. Mais elle n'a pas cédé tout de suite. Mais bien entendu. J'ai tenu 6 semaines. Au sport d'hiver, c'est un record. Oui, tu as raison. Elle n'a pas cédé au sport d'hiver. Mais, Non, j'essaie d'abréger. Ni même à Paris. Mais j'espère bien. Mais Alexa est tellement mieux qu'elle ne le croit. Encore mieux. Il l'a attendu 6 mois. Tu t'es bien défendu. 6 mois. Seulement lui, pendant tout ce grand amour, il déguisait son écriture. Oui, mais tu lui as cédé. Quand? Comment? Qu'importe. Quand? Comment? Qu'est-ce qui te fait le moins de peine? Oui, tu as raison. Merci. Laissons tomber. Hein. Ça vaut mieux. Mais pourquoi lui? Pourquoi justement lui? La malchance. Hé, Véronique, qu'est-ce qu'elle fout pendant ce temps-là, Véronique? Elle déteste les sports d'hiver. Ah, pareil, ça se prétend jalouse, hein? Le fait est. Cette idiote qui te trouvait très sympathique ce matin. Ah, on peut dire qu'elle n'a pas d'antenne, hein? Mais à part toi qui en a. Elle le laisse seul, des 6 semaines entières. Mais Médite, je ne laisserai pas seul 6 semaines. Elle avait une espionne dans la bande, Constance. Elle avait une espionne dans la bande? Que, quoi, Constance Arloin? Oui. Belle fille. Noël a couché avec elle pour l'obliger à se taire. Quelle mentalité. Oh, il l'a lâchée tout de suite après. De mieux en mieux. Mais il la tenait. Et Véronique ne s'est doutée de rien? De rien. Après, à Paris, à Saint-Tropez, il lui a menti avec une adresse, une variété, une drôlerie. Ah oui, oui, ça t'épate encore, les menteurs. Non, ce qui m'épate, c'est à quel point il a peur d'elle. Ah. Ça t'épate encore, les lâches. Je te répète que je ne suis pas la fille d'Edith. Oh, ça, ça, la vertu est toi, hein. Oh, mais vous m'embêtez avec ma vertu. Je sais me défendre, c'est un fait, mais enfin... Pardon? On m'attaque. Carradine, par exemple, a essayé de m'avoir. Toi aussi? Non, moi, c'était avant. Allez, non, allez, non. Alexa avait 7 ans. Non, mais il devrait y avoir des lois contre les types comme ça. Il était envoûtant, je dois le dire. Mais je lui ai très bien résisté parce que, heureusement pour moi, j'aimais quelqu'un. Qui? Toi, Yo. Connard, je sens ma tête qui éclate, là. Il n'a pas insisté autant que pour Alexa. 15 jours à peine. Je lui plaisais moins que toi. Mais ça, tu veux me vexer ou quoi? Oh, mais écoute, je ne t'en ai pas parlé à ce moment-là parce que tu le détestais déjà assez. Et ce type exigeait que j'arrive à 9h très précise et il se permettait de me faire attendre. Moi aussi. Oui, toi, hein, oui, toi aussi. Oui, moi aussi. Il a osé me donner de l'argent. Tu le lui demandais? Pour une invention honnête. Mais dans sa tête, c'était une commission à bachiche. J'exagère. Il me payait la vertu de ma petite fille et il déshonorait toute la famille en même temps. Mais parle donc normalement. Je vais lui jeter son argent à la figure. Je t'approuve. Oh non, de Dieu, c'est épouvantable ce bagueur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que, madame, je viens de payer les impôts, je pourrais lui jeter 43 000. Ah, oh, mais laisse donc. Ah, oh, pas idée aussi d'aller payer ses impôts. Tu ne dois rien, Noël, tu lui as payé quelque chose. Il n'avait qu'à ne pas l'acheter. Tu crois? J'en suis sûre. Non, puis il y a Simone Souchy. Ah oui, aussi. Bah, je veux pas lui faire perdre tout cet argent. Très juste. Non, mais bon, c'est réglé, je m'occupe plus de ça. Les affaires sont les affaires. Maintenant. À nous deux, monsieur Caroline. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Presque rien. Me venger et par la même occasion te venger, toi aussi. Mais me venger de quoi? Je ne veux pas être vengée. Je vais rendre à ce monsieur les millions qu'il m'a volés. Qu'est-ce que tu dis? Pas besoin de bourdie maintenant pour lui casser la gueule. Hein? C'est l'être, c'est de la dynamite. Hein? Non. Elles vont faire sauter, monsieur Caroline, sauter! Sauter, allez, hop, hop, hop, allez, hop, en l'air! Monsieur Caroline! Je vais le piétiner, le détruire, monsieur Carville, le réduire en mieux comme ça. Qu'est-ce que tu as? Tu deviens fou? Oui, mais un fou de bonheur, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, moi rien, mais Noël va tout faire, là, par ses lettres. C'est bien heureuse d'être. Tu vas te servir de ses lettres. Allez, quand Véronique va savoir qu'il connaît une fille à qui il apprend son corps et qui a raison lesquelles lève ses jupes, et là, il va y avoir du sport. Mais tu vas donner ses lettres à Véronique. Mais un peu question. Tu n'as pas le droit, ce sont mes lettres. Elle a raison. Attends. Tu n'as pas le droit de penser à Véronique. Mais elle avait qu'à garder son casse à neuf chez elle. Véronique t'a aimé. Mais je suis navré de lui faire ça, mais je tiens Carabine et je vais pas le lâcher. C'est affreux. Je le verrai mentir, monsieur Carabine. On le fera attendre dans les antichambres. On lui dira qu'on l'oublie. On prendra son pain pour l'embêter. Ou bien on s'en couchera, c'est bon, on verra. Eh bien, on lui enverra des maîtres d'hôtel pour se foutre de sa gueule. Quelle Calme-toi, mon chéri, ça va te passer. Mais tu me parles comme un malade. Et même... Je suis heureux. Tu comprends? Heureux. Je vais te chercher quelque chose à boire. C'est ça, pour fêter ma victoire. Regarde, c'est lui, la patate, maintenant. Ah, si tu voyais ton visage. Viens, il maudira le jour où il t'a connu. Tu crois peut-être me faire plaisir? Non, j'y pense pas, hein. Tu ne penses pas un peu à moi? Non, parlons pas le temps. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, après ton coup d'éclat? Oh, oui, je peux pas te faire rigoler tout le temps, hein. Et donne les lettres, Véronique le chasse. Il redevient pauvre comme Job, t'es heureux. Mais moi? Ou bien tu l'aimes et tu l'épouses, ou bien c'est une folie de jeunesse et tu le laisses dans la rue. Ce n'est pas une folie de jeunesse. Eh bon, alors c'est une folie. Mon petit Léo, tu veux pas me laisser être un peu heureux? Mais on peut être très heureux sans argent! Mais pas avec celle qui vous l'a fait perdre! Oh oui, non mais non, quand t'arrives n'importe comment, personne pourrait être heureux avec un type comme ça. Léo! Oh non, oh là là, tu comptes sur ma... Oh là là, non, pas de charme, tu comptes sur ma gentillesse, sur ma bêtise. Oh, voilà, c'est fini la gentillesse, hein, c'est même fini la bêtise! Rien ne pourra plus jamais sauver Monsieur Carradine! Tu vois ça, ça va te calmer. Non, je suis calme. Je t'en prie. Non mais je suis très calme. Moi aussi! Alors écoute-moi bien, papa. Ou tu renonces à cette vengeance stupide, et je te bénirai, comme on dit, jusqu'à mon dernier souffle. Où? Ou tu t'obstines à perdre Noël, et c'est moi que tu perds. Après le charme, la menace. Tu veux dire que tu nous quitterais? Oui, c'est ce qu'il veut dire. Je viendrai te voir en cachette, toi. Et ton père? Ah oui? Qu'est-ce que tu feras de ton père? Tiens, de me faire la plus grande peine de ma vie. Alors, tellement de peine que j'ai hésité. Mes parents, j'ai hésité une seconde, seulement une seconde. Mais tant pis pour toi, tant pis pour nous, j'ai besoin de lui faire mal. Mais c'est pas parce que je suis sa maîtresse, c'est même pas parce qu'il a fait la cour à maman, c'est pour vos coucheries de môme. Nous, on est que des prétextes. Non, j'espère que non. Elle a raison. C'est peut-être pour des Françoises Michalet. Je... Non, non, non, toi, hein, non. Ah, mon chéri. Non, toi, au moins, reste calme, hein. Tu as raison, mon chéri. Voilà. 9h15, il s'impatiente. Ici, toi! Tu vas lui dire que le rendez-vous est changé. Tu vas lui demander de venir à la maison. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que je te le demande. On n'y compte pas. Tu sais que je suis têtu, hein? Je suis ta fille, papa. Pas pour longtemps, ce que tu as dit. C'est ce que ton père te demande. Oui, je te le conseille vivement parce que tu sais, moi aussi, je sais menacer. Je n'ai pas peur. Oh non, pas pour toi. Si tu ne fais pas ce que je te demande, demain, à son bureau, dans un restaurant, un conseil d'administration chez Véronique, je la salue en disant pourquoi. Je suis un père outragé, ne l'oublie pas, et un père avec des muscles. Je ne veux pas! Si tu réponds gentiment, je te promets de ne pas le toucher, sinon je l'envoie à l'hôpital. Ça... Lâche! Lâche. Oh, ben. Allô, oui, c'est moi. Oh, je suis très fatiguée. Tu ne veux pas venir ici, plutôt ils sont au théâtre. Très bien. Je laisserai la clé sur la porte, tu n'auras qu'à rentrer. Mais non, je ne suis pas bizarre, à tout de suite. La clé sur la porte, on voit qu'elle a l'habitude, hein. Tu ne le toucheras pas. Je t'ai donné ma parole. Jure, sur la tête de maman. La confiance règne, hein. Tu es fou. Il faut prendre des précautions avec un flou. Je jure. Sur ma tête. Sur ta tête. Sois tranquille. Bon, sa garçonnière est à deux pas, j'imagine. Au coin du boulevard Saint-Germain. Non, j'aurais parié. Hein. Bon, je vais vous demander de me laisser avec le La Rochefoucauld mexicain. Comment finir? Bon, Edith, va mettre la clé sur la porte et ne bouge pas de chez toi. Calme. Oh non, pas calme! Oh non. Décontracté, tranquille. Heureux. Si c'est ça pour toi le bonheur. Tu me laisseras lui dire adieu? Je suis pas une brute! Oh, tu vas m'enfermer dans ma chambre. Mais je tiens pas à ce que tu gâches mes effets par une entrée inattendue. Ne crains rien. Je ne suis pas de ces gens qui demandent des cartes pour assister aux exécutions. Mais deux précautions valent mieux qu'une. Amuse-toi bien. Ah. L'ignoble salaud. Hein? Oh, oh. Merveilleux. ¿Qué tal, amigo? Pourquoi tu me dis ça? Tu peux pas comprendre, mais c'est très drôle. C'est très drôle, mais tu m'as fait très peur. Assieds-toi. Tu as besoin d'un peu d'argent? Tu m'as acheté 50 000 francs à la figure ce matin même. Très juste. Comment va ta femme? Très bien. Ta fille? Très bien aussi. Je pourrais peut-être saluer ces dames? Non. Pourquoi non? Parce qu'Edith dort probablement et qu'Alexa est allée voir une camarade à l'angle du boulevard Saint-Gervais. Mais qu'est-ce que tu as? Assieds-toi. C'est que je suis un peu pressé. Non. Dis-moi que tu t'embêtes. Ne me raconte pas que tu es pressé. Mais je t'assure. Pendant toutes ces années d'amitié, tu n'es pas venu me voir une seule fois pour que tu t'y sois décidé aujourd'hui. Fallait vraiment que tu aies rien à foutre. Hein? Voilà. Assieds-toi. Je ne suis pas pressé, pressé. Non, mais c'est ce que je te dis. Assieds-toi. J'avais un peu peur que tu sois sorti. Et tu venais quand même. Oh, c'est gentil. D'ailleurs, effectivement, tu as bien failli ne pas me trouver parce que nous devions aller au théâtre et Edith se sentait pas bien. Ah, c'est dans ça. Oui, c'est dans ça. Oui. C'est curieux que je n'ai pas rencontré ta fille. Pourquoi? Si sa petite camarade habite l'angle du boulevard Saint-Germain, j'en viens, moi, du boulevard Saint-Germain. Mais je ne t'ai pas dit depuis quand, depuis combien de temps elle était partie? En effet, oui. Tu parles comme si elle t'avait dit de venir ici et que tu l'es manqué. Bon, ça va, je ne te lève pas tout le temps comme ça, c'est agaçant. Tu insinues. Mais je n'insinue rien du tout. Non, mais je m'amuse quand je pense que ce matin encore, tu la prenais pour une gamine de 12 ans. Oui. Hein? Assieds-toi. Alors comme ça, c'est vrai, tu ne vas vraiment pas me demander d'argent. Eh? J'ose à peine y croire. C'est trop beau, hein? Presque. Ouais. D'ailleurs, d'une certaine façon, je vais même te repayer tout en bloc. Te rembourser en une seule fois. Ah, bravo. Seulement avant, je voudrais te demander un conseil. Ça, j'accepte. Voilà. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, nous sommes un peu embêtés, Edith et moi. Alexa Lafleur. Oh, bah, à son âge, ça n'a pas conséquent. Mais écoute, tu t'obstines à croire qu'elle a 12 ans. Je te dis qu'elle a un flirt assez poussé avec un jeune garçon. Ah, oh, tu te lèves encore? Mais pardon. Oui, un jeune garçon très beau. Bravo, très charmant, très gai. Très bonne famille. Jérôme Jacquet. Ah, oh, je l'ai rencontré deux ou trois fois, ce petit Jérôme. Là. Oui, oh. Snob, enfin, c'est surtout une pauvre victime. Oh. Une victime, je te dis. Alexa se servait de lui comme paravent. Comme paravent. Pendant que nous nous énervions sur Jérôme, Alexa n'en faisait qu'à sa tête avec un vieux schnob dans mon genre. Là. Très bête, très riche et très cochon. Et comment sais-tu ça? Sa mère a trouvé une lettre. Mais encore, oh, ben, cette manette, c'est pas. C'est pas ce que j'ai, pardon. Mais tu le connais? Le vieux dégoûtant? Oui. Non, mais je connais son prénom. Maxime. Maxime qui? Ben, c'est la question que j'ai posée à Alexa. Alors elle m'a répondu, Maxime de la Rochefoucauld. Ça te fait rire? Ah oh, oui, ça, ces petites filles sont d'une drôlerie. Oui, pas pour un père. Ouais, tu permets? Mais je t'en prie. Mmh. Alors figure-toi que ce soir, le vieux satire m'a fait notre truc du faux numéro. Sans blague. Ouais. M'a demandé Turbigo. Ah, c'est un secteur auquel je n'aurais pas pensé. Non, non, non, non. Non, c'est trop tôt, je vais trop vite. Alors, procédons par ordre. Noël. Je te connais depuis l'âge de 12 ans. Oh, on remonte au déluge, là. Le premier souvenir que j'ai de toi, c'est l'affaire des boules puantes. Ah oui. Non, tu te rappelles bien, non, l'histoire des boules puantes. Ah, c'est bien, oui. Hein, j'en avais jeté 6 dans la bagnole du professeur de maths. Le père Mammouth. Le père Mammouth, ça puait là-dedans, c'était horrible. Horrible. Quelqu'un m'a dénoncé et Mammouth m'a enfermé pendant 2 heures dans sa voiture. Mais, au bon moment, hein, où les boules étaient à leur maximum. Et tu faisais une de ces têtes. Qui m'avait dénoncé? Moi, probablement. Moi, en effet. 4 ans plus tard, tu as volé Malbert, j'ai été puni à ta place, et tu devais m'en être reconnaissant toute ta vie. Mais je n'ai pas été reconnaissant. Quand nous suivions les filles à la sortie du lycée, tu me laissais toujours la plus moche. Mais puisqu'on ne leur parlait même pas. Tu me laissais quand même la plus moche. En octobre de cette année-là, tu m'as pris Françoise Michelet. Je te l'ai rendue en juillet de l'année suivante. Parlons-en, dans quel état, hein? Dégoûter des hommes et couchant avec n'importe qui pour t'oublier. Il est vrai qu'elle t'a fait cocu en attendant record. Non, alors on n'est pas cocu à 17 ans. Non, j'ai pas été cocu, mais après j'en ai bavé. Où veux-tu en venir avec cet inventaire? Tu as trouvé le moyen d'épouser Véronique, une fille qui m'a aimé jusqu'à la fièvre cérébrale. Tu ne vas pas me reprocher de l'avoir rendue heureuse. Heureuse? Bon, passons. 3 ans plus tard, au moment où je m'y attendais le moins. Je n'aime pas beaucoup ce nouveau ton que tu emploies avec moi. Bon, je dirais, il y a bien d'autres choses que tu vas pas aimer, mon pauvre vieux. Où veux-tu en venir? À ceci. J'essayais de te prouver que comme maintenant, à 12 ou à 17 ans, tu étais une ordure, Noël. Tu ne trouves pas que tu vas un peu loin? Tu es une ordure, Noël. Assieds-toi. Toi, tu es fou, tu es... Bonsoir. Assieds-toi. Bonsoir. Assieds-toi, je te casse ta gueule! On ne discute pas avec des fous. C'est ouais. Ça. Tu comprends? J'ai juré sur la tête d'Edith de ne pas t'assommer. Mais faut que tu, mais faut que tu m'aides. Mais tu as juré de ne pas m'assommer. Oui, et je te fais croire qu'il a fallu qu'on me supplie, hein. Non, pas bon. Ce qui est fait, est fait. Seulement, ne bouge pas. Oui, je sais que tu es beaucoup plus fort que moi. Beaucoup plus. Oui, c'est champion de boxe amateur à 18 ans, joueur de rugby et fou de colère. Ah, parce que tu es aussi fou de colère. Eh ben, moi, tu vois, moi... Moi, j'aime pas que tu continues de crâner. Moi, tu vois, moi, c'est ton ancien ton que je n'aime pas. Eh bien, tant pis. Noël, tu sais depuis longtemps qu'Alexa n'a plus 12 ans. Moi? Tout le monde te croyait fidèle à Véronique, Véronique surtout, et pendant ce temps, tu me prenais ma petite. Tu es fou, tu es ivre! Quand tu as vu qu'elle résistait, au lieu de renoncer, tu as insisté pendant 6 mois jusqu'à ce qu'elle cède. Mais jamais! Car Véronique a raison, notre fille est tout de même assez abrupte. Mais comment oses-tu salir cette petite... Ne dis pas, pauvre imbécile! C'est moi qui lui ai soufflé de te faire venir ici. Comment? Voilà pourquoi tu l'as pas rencontré en venant de ta garçonnière. Ma garçonnière, mais tu es gâteux! Non, mais j'ai des preuves! Comprends-tu? Des preuves! Tu ne crois pas que je t'insulterais au point de ne jamais plus pouvoir te taper si j'avais pas de preuves? Ah, là, cet argument-là te frappe. Quand je suis ignoble, tu me comprends. Mais je nie! Le vieux satyre, c'est toi! Sois pas stupide. Tu réinventes l'amour, chérie, ton corps est un petit miracle que je vais t'apprendre, etc., etc. Tout le monde peut écrire ce genre de bêtises. Oui, seulement tout le monde ne peut pas écrire. Nico part ce soir et prend l'avion ce soir pour le Brésil. 1 mois de bonheur devant nous, mon ange. J'ai écrit ça, oui, moi. Tu es de bête, hein. Quand on sait que tu es le seul à appeler ta femme Nico, que vous avez des affaires au Brésil, que Véronique a pris l'avion le 12 juin, et qu'elle est restée précisément 1 mois là-bas. Oh. Ah, ouais. Ouais, c'est pas la peine de signer Maxime et de te crever à déguiser ton écriture. J'avoue, j'adore ta fille. Nous réglerons tout en même temps, parce qu'il y a 10 ans, tu adorais aussi ma femme. Ah, jamais! Jamais! Non, ta fille, ça, j'admets. Oui, monsieur, tu peux pas faire autrement. Mais ta femme, jamais! C'est trop fort. Ah non, ça, jamais! Non, non, elle est charmante, mais ce n'est pas mon type. Après, c'est pas ton type, en plus! En tout cas, jamais! J'ai peut-être eu tort, mais jamais! Non, Edith, tu aurais pas se vanter d'une chose pareille. Alors, surtout qu'il y a vraiment pas de quoi se vanter. Bah, désolé, jamais! Tiens, mon Dieu, j'en aurais le cœur net, hein. Edith! Oh! Viens une minute! Mon chéri. Non, ce salaud prétend qu'il n'a jamais fait la cour. C'est sans intérêt, mon chéri. Prétends même que tu n'es pas en type. Ne t'énerve pas. Il y a si longtemps, il ne se souvient peut-être plus. Excusez-moi, mais tous les deux, nous n'avons pas... Non, vous n'avez pas. Ah, alors on se rappelle même pas celle avec qui on a... Ainsi tu t'es vanté. Moi ? Tu me couvres de ridicule à ses yeux, d'abord, pour essayer de te rendre intéressante. Excusez-moi, Noël. Mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas me laisser insulter. Je comprends très bien, mais pourtant... Noël, la jetée de Saint-Jean-de-Luz. Ah oui ! Véronique ne voulait plus de vous à ce moment-là. Vous m'avez même demandé de divorcer. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de divorcer ? Comment ai-je pu oublier ? Qu'un jour seulement. C'est vrai, Léon. J'ai été amoureux de ta femme. Mais je n'en ai jamais douté. Mais je me serais probablement rendu compte très vite que je n'avais aucune chance, alors j'aurais renoncé. Bon, tu peux t'en aller maintenant. Je vous demande pardon, Noël, de me l'être rappelé, mais c'était un souvenir important pour moi. Vous êtes le seul à avoir osé vous apercevoir que j'étais jolie. Saint-Jean-de-Luz. Je n'en aurais jamais parlé. Il a fallu ce drame. Je suis désolée, car Léon sera encore plus méchant avec vous à cause de moi. Et ce sera juste. Je serai puni pour vous avoir oublié. Non, vous avez fini de vous congratuler tous les deux. Allez, rentre chez toi. Merci de n'avoir pas nié. Tu étais encore plus infect que tu ne croyais. Ah, je suis inexcusable, une femme si adorable. Tu as beaucoup de chance, Rollo. Mais toi, tu en as beaucoup eu, beaucoup trop. C'est aujourd'hui qu'elle s'arrête. C'est aujourd'hui que tu l'arrêtes. Ah oui, tu ne t'es jamais dit qu'il faudrait payer un jour ou l'autre. Payer quoi? Tout ce bonheur injustifiable dont tu as profité tant d'années, profité si mal. Et ce jour est venu. Oui, mon cher Noël, j'ai dans la poche 8 lettres de Maxime que je ferai tenir à Véronique dès demain avec des explications nécessaires. Elle a de bons avocats, Véronique, quand ils t'ont jeté dans la rue, il ne te restera plus un copec. Hein? Ce qui t'attend, c'est la vie que j'ai menée. Tu vas pas faire ça. Tu me les rendras, ces millions que tu m'as volés. J'oubliais que je te les avais volés. Et tu ne pourras pas me taper, parce que moi, je n'aurai plus le sou. Je ne pourrais plus taper Caroline. Si je te rachetais ces lettres. Ah tiens, j'avais prévu ça. Oh, j'ai beau, oh là là, le bakchiche. 1 million par lettre. Oh, je vais te... Non, j'ai juré de pas t'assommer. Tu n'as pas un peu pitié de Véronique? Ah, toi aussi, hein. Tu espères m'attendrir avec Véronique. Elle va se tuer, c'est ça? Elle se tuer? Oh non. Ah, bah, tu me rassures. Non, ça m'aurait beaucoup ennuyé. C'est à toi que j'en veux, pas à elle. Rassure-toi, elle souffrira horriblement. Désolé. Mais... elle ne songera qu'à se venger. À la bonne heure. À cause de toi, à cause du chagrin que tu lui as fait. Elle a pris toutes ses précautions avant notre mariage. Brave Véronique! Elle m'a épousé sans un sou, elle me laissera sans un sou. Mais j'en étais sûr. Elle ne s'en tiendra pas là. On ne me dit pas ça, hein. Je te le dis. Tu te rappelles l'affaire Mazoukian? Mazoukian, qu'est-ce? Le trafic d'or? Mmh. J'en étais. Oh, cher, cher, cher Noël! Nous ne faisions de mal à personne, nous escroquions des escrocs. Oui, mais c'est une chose que la justice n'a pas beaucoup appréciée quand même. Non, non. Voilà. Véronique a payé, payé. Mazoukian était très bien, sur toute la ligne, sauf sur un point. Il a remis toutes mes lettres à Véronique. Celles que les inspecteurs avaient tellement cherchées. Tu écris trop! Et je ne me fais aucun doute. Si Véronique lit les lettres de Maxime, elle se servira de celles que j'ai écrites à Mazoukian. Et ça ira chercher? Entre 5 et 10 ans. Tu me gâtes. Oui. Ferme. Pardon? Je veux dire, sans sursis. On ne fait pas 10 ans avec sursis. Ah, non, mais excuse-moi, moi je n'ai pas ta connaissance du code. Alors, tu en prendras pour 10 ans. Au moins pour 5. Oh, ça devait être une très grosse escroquerie. T'aimerais bien me voir en prison. Oh, hein. J'irai te porter des oranges. Pauvre idiot. C'est ça, encale-moi. Pour quelqu'un qui me déteste autant, tu me connais bien mal. Oui, j'avoue que tu m'as surpris agréablement. Tu crois que je ferais 10 ans, même 5? C'est pas la mer à boire. Je m'étais pas trompé, t'es vraiment une patate. Une patate, tu t'étouffes? Une patate quand même! Toi, tu les ferais les 10 ans, hein, même les 5. Trop content de les faire. Tu ne chercherais pas d'autres solutions. Moi, j'en ai une. Mais j'ai l'impression qu'elle va me plaire. Mon vieux Rollo, quand un type comme moi fait une bêtise, il sait comment la payer. Oui, c'est préférable, surtout quand il en fait deux. Qu'est-ce que tu veux, au fond, hein? Te venger. Te venger de tout et de rien, de 25 ans d'envie. Mais au fond, qu'est-ce qui te causerait la plus grande joie? Moi, hein? C'est que je meurs. Bien sûr. Enfin, je peux vraiment pas te demander. Eh bien, demande. C'est entendu. Tu blagues? Inutile de remettre ses lettres à Véronique. Je me tuerai cette nuit. Je me tuerai si tu jures sur la tête d'Edith de détruire ses lettres une fois que la mort sera officielle. Oh, cette assommance, on me fait toujours jurer sur la tête d'Edith. Jure. Je jure. Sur la tête d'Edith. Sur la tête d'Edith. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Une balle dans la tête? Oh non, c'est démodé, ça, mon vieux. Pas tellement. Non, pour moi, ce sera un accident stupide. Ma voiture ira s'écraser contre un arbre. Alors, tu peux me dire adieu. Non, tu vas pas faire ça. Lis les journaux demain. Tu vas le faire? Regarde-moi. Non, mais non, c'est idiot. Non, évidemment, là, sur le moment, là, ça m'a fait plaisir. La vie, tout de même, la vie. Ne me fais pas rigoler. Tu m'imagines à la sortie de la santé, sans un sou, allant mendier auprès de mes anciens amis? Je t'imagine très bien, c'est ça que je souhaite. Ça, tu l'auras pas. Tu ne peux que me tuer. Non, attends. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Tu ne vas pas mourir de joie. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est à moi que tu demandes ça? Non, enfin, non, mais tu vas te tuer, j'en suis sûr. Oui, moi aussi, j'en suis sûr. Ça, c'est plus que je n'en ai jamais demandé. J'ai toujours très bien fait les choses. Je devrais être content. Tu ne l'es pas? Si. Pas autant que je voudrais. Je peux guère faire mieux. Ah, c'est pas la peine. Je veux dire, c'est pas la peine que tu te supprimes, parce que ça m'intéresse plus. Défie-toi de ton premier mouvement, Rollo. Je te dis que ça ne m'intéresse plus. Tu veux quand même pas que je te supplie? Non. Seulement, tu vas me rendre mes lettres. Ah, ça non, alors. Ah, ça si. Ou tu me les rends gentiment, ou je me tue et tu les rends par force. Je vais pas vivre sous cette menace. Non, mais tu me donnes des ordres, toi, maintenant? Oh, je t'informe. Allô? J'écoute! Quand vous aurez fini de souffler comme un phoque dans l'appareil, j'allais répondre, nom de Dieu! Mais c'est non pas toi tout à l'heure. Moi qui soufflais comme un phoque dans l'appareil. Oui. Non, un peu des moi, mon vieux. Moi, c'est Urbigo. Je sais pourquoi je ne suis pas heureux comme je le devrais. Vraiment? C'est parce que tu me nargues! C'est parce que tu es aussi insolent, aussi tranquille, aussi sûr de toi que si je ne te tenais pas à me merci. Pas tout à fait. Je peux te tuer, mais je te tiens pas vraiment parce que tu acceptes de mourir. Et ça, je ne veux pas. Je veux que tu me supplies à genoux. Ne plaisante pas. À genoux? Tu vas supplier ta chère patate. Je m'en tiens à ce que je t'ai proposé, l'accident. Oh non, il va falloir faire mieux, beaucoup mieux. J'ai trouvé quelque chose. Tu m'étonnes. Tu vas te mettre à genoux devant moi, Noël, et me supplier. C'est bouffon. Tu vas me supplier à cause d'Alexa. Oh non, je veux pas lui raconter l'affaire Mazoukian. Non, à son âge, les escrocs sont plutôt sympathiques. Je finirai par te comprendre et t'excuser. Non, j'ai mieux. Tu as mieux? Oui. Je vais lui raconter ton idylle avec Françoise Michalet. Ah non! La façon dont tu l'as laissée se débrouiller toute seule. Ah non, ça je ne veux pas! Alors à genoux, alors là supplie-moi, à genoux. Ça ne te suffit pas que je crève. Non. Tu ne veux pas que je lui laisse un souvenir propre. Je me fous du souvenir que tu laisseras. Tu vas lui faire beaucoup de peine. Lâche, lâche, qui compte sur ma fille. Je l'aime. Alors, à genoux. Alors, à genoux. Tu me supplies, à genoux. Après tout, au point où j'en suis. Les deux genoux, s'il te plaît. Comme ça, tu es content? Non. Mais je sais pourquoi. C'est parce que tu te dis, personne ne saura. Et dis, ah non, pas devant Alexa. Devant Alexa, alors? Edith, hein? Il est à genoux devant moi et il me supplie. C'est vrai, je le supplie. J'ai honte pour toi. Relevez-vous. Non, ne bouge pas. Edith, tu sais, comme j'ai attendu ce moment-là, comme je l'ai espéré. Ah, hein? Il est là, à genoux devant moi, et il me supplie. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Rien. Rien. Rien. J'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans de ma vie. J'en ai peur. Ah, non, ça, c'est pas possible, ça serait trop bête. Noël. Répète après moi. Léon, tu es plus intelligent que moi. Léon, tu es plus intelligent que moi. Léon, tu es plus beau que moi. Léon, tu es plus beau que moi. Léon, tu plais plus que moi. Léon. Ah, excusez-moi, mais la clé était sur la porte. Ah, j'ai frappé. Personne n'occupait de moi, alors je suis rentrée. Bonsoir, chère Véronique. Bonsoir, Edith. Qu'y a-t-il, Noël? Ah, rien. Absolument rien. Hein. Mazoukian? C'est une nouvelle blague, ça, Mazoukian? Non, ce serait plutôt une ancienne blague. Alors, aucun rapport. Figurez-vous que ces deux crétins ont fait un pari stupide, que Léon a gagné. Ah. Et parce qu'il avait perdu, Noël a dû admettre que Léon était plus beau, plus intelligent, plus plaisant que lui. C'est vrai, ça, Noël? On ne peut pas toujours gagner, hein. Léon? Je te parle? Oui, oui. Un pari stupide. Vous êtes vraiment idiot. Et moi, surtout. Alors pourquoi dis-tu ça? J'étais au moins aussi stupide que toi. Je te dis que non, fous-moi la paix, hein. Oh, si tu tiens absolument. Faire les guignols à vos âges? Ah oui, ça, on peut dire qu'on fait les guignols. Hein. Mais dis-moi, tu prends rudement au sérieux les paris que tu fais, toi? Non, mais tu peux pas comprendre, parce que ce pari que j'ai l'air d'avoir gagné, au fond, je l'ai perdu. Non, tu deviens bien compliqué. Non, au contraire. Tu ne le trouves pas compliqué, toi, Noël? Non, pas du tout, je le trouve même charmant. Quand je pense à ce qu'il aurait pu me faire faire. Oui, que je pourrais te faire faire encore. Ça m'étonnerait, tu n'es plus dans l'atmosphère. Non, je ne fais pas le malin. Ils sont assommants avec leur mystère. Assommants? Dis donc, toi, quand tu es entré, tu as prononcé un nom qui m'a vivement intéressé. Ah bon? Lequel? Mazoukian. Ah oui? Mazoukian, un rapport quelconque avec Noël? Pas le moindre. Oh, dis, non, mais sans blague, non, ça m'intéresse. Voilà, c'est une histoire de Noël et je ne la raconterai que s'il m'y oblige. Je ne t'y oblige pas. C'est dommage. D'ailleurs, comment se fait-il que je te trouve ici? Tu devais passer la soirée au cerf. Il a rencontré Léon et Léon l'a amené ici à cause du fameux pari. Ah, mais parlons un peu de ce pari. Mais il n'y a rien à raconter, vous savez tout, vous avez vu le résultat. C'est entendu, j'en connais l'enjeu, mais ça m'amuserait d'en savoir un sujet. Mais en fait, comment es-tu ici, toi? Je m'ennuyais toute seule. Tes amis m'avaient beaucoup amusé ce matin, alors j'ai voulu savoir où et comment ils vivaient. Oui, elle a voulu voir les animaux dans leur zoo personnel. C'est normal. On est à deux pas du jardin des plantes. D'ailleurs, j'espérais bavarder un peu avec votre petit phénomène. C'est Alexa que vous appelez notre petit phénomène? Oui, je vous demande pardon, mais elle me plaît, cette petite. Qu'est-ce que tu veux voir, Alexa? S'il te plaît. Rien de plus simple. Avec ça, mon petit bien, viens dire bonsoir. Tu refermes ta fille maintenant? Que de monde! Alors, on vous enferme? Je n'avais pas été sage. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, tu enfermes ta fille pour faire mettre Noël à genoux? On vous a fait mettre à genoux. Non, un pari stupide avec votre père. Oh, je suis enfermée depuis midi. J'espère pour vous que vous n'êtes pas restée à genoux tout ce temps-là. Ah ben alors, vous n'avez pas été sage? J'ai surtout été bête. Ça m'étonnerait. Merci, mais j'ai été très bête. Ah oui, très! Allez, racontez, ça ne peut pas être bien grave. Si, que voulez-vous, je suis la fille de ma vraie mère. Ah, c'est ce genre de bêtises-là? Vous en voyez d'autres que j'aurais pu commettre? Vous avez aimé quelqu'un? Je ne sais pas. On sait toujours. Moi pas. J'espère que c'est fini. Oh oui, chérie, je t'en prie. J'espère. Je ne suis pas sûre. Ah, mais si vous l'aimez encore, pourquoi ne pas l'épouser? Ma bêtise est plus grande que vous ne croyez. Cet homme est marié. Ah, oh, c'est pas bien ça. Bon. Je savais, j'ai lutté 6 mois. Comme dirait mon père, je me suis bien défendue. Parce que cet homme marié vous a poursuivi pendant 6 mois? Crois-tu, quel saligo? Moi, c'est ce qui m'a charmé. Et sa femme ne s'est aperçue de rien. Crois-tu? Quelle idiote, hein? Non, c'est très compréhensible. Je ne crois pas avoir jamais vu quelqu'un qui ait aussi peur de sa femme. Peur de sa femme, mais c'est ridicule. Mais tu comprends ça, toi, Noël? C'est comme si tu avais peur de moi. C'est ridicule. Quand il m'écrivait, il déguisait son écriture. Oh, le goujat! Ouais, je te le fais parler, hein? Et moi, brave gourde, j'embrassais des mots et une écriture de carnaval. Oh. C'est idiot, d'ailleurs. Je parle, comme toujours. Oh, c'est votre faute. C'est vous, madame, qui m'avez interrogée. Excusez-moi. Je ne m'en plains pas. Au contraire, je vais profiter de ce que vous êtes là pour demander quelque chose à mon père. J'espère que devant vous, il n'osera pas me le refuser. Je ne refuserai jamais plus rien, Alexa. Ne t'engage pas si vite. Mon petit papa, je voudrais partir. Tu veux me punir de ta faute? Partir? Tu veux punir ta mère aussi? Je voudrais partir tout de suite, mais pas pour longtemps. Quelques semaines pour tâcher d'y voir clair. Elle a raison. Partir pour? Tu voudrais bien le savoir, hein? Enfin, ne sois pas idiot. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Réfléchis, Léo. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, absolument. Oh, enfin, M. Caradine voulait sûrement dire... Oui, mais partir pour où? Hein? Où partir? Ah, naturellement. Eh bien, je ne sais pas. À l'aventure, probablement. Seul? J'espère bien. Non, pas seul. Et ne le souhaite pas. Partir ne suffit pas. Je vais mettre un garçon entre cet homme et moi. Ah, oui. Surtout si vous l'aimez encore, c'est probablement la seule solution. Mais tu ne vas pas faire ça, ma chérie. Mais si, maman. Il y a quelqu'un dans Paris qui ne connaît pas son bonheur, à qui je vais faire une bonne surprise. Tu ne demandes pas qui? Non, tu vois. Enfin, il a du tact. Mais c'est que tu es curieux de certaines choses et pas de certaines autres. Est-ce que Jérôme m'a téléphoné? Non. Tu es sûr? Absolument. C'est avec Jérôme que tu as l'intention de partir? Oui. Oh, là, tu me rassures. Moi aussi. Ah, pauvre Jérôme. Il est tellement inoffensif. C'est un garçon très bien élevé. Oui, très. Malheureusement, ma pauvre chérie, tu ne l'aimes pas. On peut t'apprendre à aimer n'importe qui. Oh, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Moi, j'ai mis des années avant d'aimer quelqu'un d'autre que votre père. Mais mon père, c'est autre chose que cet homme-là. Merci. Jérôme est très gentil. Oh, il m'épousera si ça t'amuse. Oh, je vais te dire, ça m'amuse. Ça m'amuse même énormément. Il ne demande que ça, c'est moi qui hésite. Mais, cet autre homme. Cet autre homme, papa, je peux même te promettre de ne pas lui dire adieu. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, de quoi te mêles-tu? Non, mais cet homme a certainement des choses à vous expliquer. Il n'est peut-être pas aussi lâche que vous le croyez. Ça sera terrible pour lui. Mais qu'en sais-tu? Ah, mais il me semble qu'il n'y a rien de pire. Être quitté sans un mot... Il est prévenu, je l'ai prévenu. Ah, mais sans qu'il puisse s'expliquer. Quelle chaleur! Mais ma parole, on t'a changé. Ah. Allô? Allô? C'est encore le type qui souffle dans l'appareil. Jérôme. Tu crois? Sûr. Allô, c'est toi, Jérôme? C'est toi qui as déjà téléphoné 2 fois en soufflant comme un phoque dans l'appareil? Naturellement, c'était lui. Mais ne t'énerve pas. Je suis bafouille, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi, parlez tranquillement. Non, non, nous sommes trop passionnés. Oui, je sors avec toi ce soir, mais pas longtemps. Ne fais pas la gueule. Demande-moi plutôt pourquoi. Parce que nous partons ensemble demain à 5 heures. Pas 17 heures, 5 heures. Oui, seuls, tous les deux. Mais ne gueule pas comme ça. Ah ben, parce qu'il gueule en plus. Hein. Je ne peux pas te voir longtemps parce que je dois dire un peu adieu à mes parents. Dans 10 minutes au petit bar. On n'écrase personne en venant. Il a l'air charmant, ce garçon-là. Il pourrait vous rendre très heureux. Je n'aurais pas la peine de l'aimer. Mais si, ce serait trop simple. Mais vous n'allez pas laisser un mot à ce malheureux? Quel malheureux? Ce misérable, tu veux dire? C'est la même chose. Monsieur Carradine a raison. C'est l'usage. Alors, papa, si tu vois Maxime... Quand quel prénom ridicule! Pardon. Tu lui diras que je ne lui en veux pas, que je n'ai pas le cœur brisé, que je m'arrangerai, que c'était charmant, mais que t'as une fin. Enfin, tu lui diras ça mieux que moi. Beaucoup mieux. Et puis, papa, il faut que tu me rendes les lettres de Maxime. Ah non, non, ça jamais. Alors. Allez, je te demande pas pour les garder. On ne conserve pas des lettres anonymes. Bravo, ma fille. On ne s'en sert pas non plus. D'ailleurs, tu sais bien que tu ne veux rien en faire. Donne-les-moi, je vais les jeter au feu devant toi. Tu sais que c'est un grand sacrifice que tu me demandes. Je l'apprécierai. Un joli geste, chérie. Qu'est-ce que tu en fais? Je vais les jeter au feu, là, sous tes yeux. Et il y en avait 8. Hein. Ah non, la confiance règne. Hein. Oh, j'en avais gardé une. 8, le compte y est. Tu souffres? Ça se voit? Je ne sais pas, je le vois. Tu peux aller rejoindre Jérôme. Je te remercie, maman. Mais je préfère attendre qu'elle soit toute consumée. C'est quand même un brave type. Hein. C'est inexplicable, j'éprouve comme une espèce de soulagement. C'est inexplicable, hein? Eh bien, il ne reste pas grand-chose de mon amour. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bonsoir, tout le monde. Ah, décidément, elle me plaît, cette petite. Par contre, son Maxime... Oh, mais tu ne peux pas imaginer le salaud que c'est. Mais tu le connais, toi, Noël, hein? Moi, non. Pourquoi cette question? Non. Je sais pas, tout à l'heure, tu as pris sa défense avec une énergie. Oh, mais il a eu raison de la défendre parce que Maxime, c'est tout à fait le même genre de type que lui. En plus jeune. Ah, il est jeune? Oh, ça me fait plaisir qu'il soit jeune. Eh ben, tant mieux. Malheureusement pour nous, ça change rien. Mais qui est-ce? Vous ne le connaissez pas. Léon. Oh, bravo. Tu vas pas mettre en doute la parole d'Edith? Nous ne le connaissons pas. Alors, c'est clair, n'insiste pas. Edith, votre fille a raison. Vous êtes quelqu'un... extraordinaire. Je vous jure bien que non. Vous ne parlez pas beaucoup et quand vous parlez, vous ne faites pas de phrases. Mais j'ai l'impression que vous êtes utile à tout le monde, même à moi. Comment ça, même à toi? Que veux-tu dire? Alors, je comprends. Mais par contre, c'est vous que je ne comprends pas. Je suis pourtant facile à comprendre. Comment vous restez à moisir ici, aux côtés de ce malheureux Léon? Qui est médiocre, pauvre, feignant, sans ambition et sans avenir, une vraie patate, quoi. Tu permets? Tu m'as aimé? Alors que Charles Soubrier, un homme merveilleusement intelligent et spirituel, Dieu, beau comme un dieu et fabuleusement riche, ferait n'importe quoi pour vous épouser. Tu ne le savais pas, toi? Si, mais on sait tout avec Edith. Oui, et tu trouves ça naturel? Je le trouvais naturel jusqu'ici. Mais après ce que tu viens de dire... Véronique ne peut pas comprendre. Ben, moi non plus. Je t'expliquerai. Mais d'ailleurs, ça ne me regarde pas. En effet, oui. Tu viens, Maxime? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je sais pas, non, je sais pas, c'est mon subconscient qui me travaille sans doute. Cette histoire m'aura bouleversée sans que je m'en aperçoive. Oui, ça doit être ça, oui. Bon, dis adieu à nos amis Noël, parce que nous allons rester longtemps sans les voir. Pourquoi ça? Notre affaire du Brésil nous réclame. Et puis... il y a longtemps que nous n'avons pas été seuls. Je vais nous organiser un petit voyage de noces. Ce sera charmant. Edith, je voudrais vous embrasser. Au revoir, chère Véronique. Bon voyage. Adieu, Léon. Oh, mais, Tu peux m'appeler Patate maintenant. Hein? Crois-moi si tu veux. Ça m'embêtera beaucoup de ne plus te voir. Edith! Explique-moi, vite. Non, mais elle a raison. Je suis feignant, pauvre, médiocre, sans ambition et sans avenir, et tu m'aimes quand même. Oui, mon chéri. Et tu me préfères à Charles Soubrier malgré tout. Malgré tout. Et voilà. Je suis resté à côté de cette femme extraordinaire pendant toutes ces années et je ne me suis occupé que de Monsieur Carradine. Mon pauvre Léon. Et pendant tout ce temps, tu m'aimais. Tu le savais bien. Oui, mais... Non, non, je savais pas que c'était tant que ça. C'était tant que ça. Mais tu as dû m'en vouloir. Je t'enviais de pouvoir me donner tant de bonheur. Moi, je ne pouvais pas et je ne trouvais pas ça très juste. On va se rattraper. Oh oui, le plus pense personne. Être un peu égoïste. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Puis je suis déjà beaucoup moins jolie. Je ne dis pas ça. Ça aurait été tellement merveilleux de commencer tout de suite. Tu aurais pu être fière de moi, j'aurais pu être la jolie petite Madame Rollot. Tu es toujours très jolie. Dépêchons-nous en tout cas. Qu'on nous ait vus un peu heureux quand le bonheur nous allait encore bien. Ah, j'espère que tu me pardonneras. Allô, allô, oui. Ah, c'est toi. Carradine, il m'appelle de sa voiture. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Oh, de Dieu! Tu sais pas ce qu'il vient de me dire, hein? Qu'il m'avait volé honteusement ce matin, il m'avait roulé, et qu'il m'envoyait un autre chèque beaucoup plus important, mais le salaud! Le salaud! Ah, tu recommences! Non, non. Non, non, mais il finira bien par être puni, un jour ou l'autre. Même s'il ne l'était pas en ce qui me concerne. Rideau.